Quand on part de chez soi, il faut se protéger. Si on va au Nicaragua, on doit être vacciné. Si enrhumé, on prend le bus, on peut porter un masque. Mais pour aller sur Uranus, il faut avoir un bon casque. Explorer et sans contaminer, c'est un peu comme coucher sans faire de bébé. Oh, bravo. Merci Xavier. Alors vous le savez, c'est quelque chose qu'on dit souvent, mais les êtres vivants, le vivant en général, a une tendance naturelle, une tendance irrépressible à l'expansion. C'est sans doute vrai, mais une question qu'on peut se poser quand même, c'est à quel moment le prix à payer pour ce désir d'exploration devient-il trop grand ? Quelles sont d'une certaine manière les limites qu'on doit poser à l'exploration spatiale ? Alors prenez par exemple le risque de contamination. Il y a au moins deux risques. Il y a d'une part le risque que des micro-organismes terrestres contaminent par exemple la planète Mars et viennent à coloniser cette planète. Et effectivement, ce serait une perte scientifique immense. Le risque existe également, à l'inverse, de rapporter sur Terre des micro-organismes extraterrestres qui seraient éventuellement pathogènes. En tout cas, on peut l'imaginer. Alors à quel point ces risques dont je viens de parler sont-ils réels ou sont-ils fantasmés ? Quelles sont les mesures techniques et juridiques qui sont mises en œuvre pour essayer de se prémunir de ces risques ? Et puis, au fond, où est-ce qu'on en est de la recherche d'une vie extraterrestre ? On va en discuter avec vous. Je vais vous passer le micro dans quelques instants. Vous allez pouvoir discuter directement avec nos quatre intervenants ce soir. On ne recule devant rien. Merci beaucoup de les accueillir, s'il vous plaît. C'est Michel Vizeau, c'est Jacques Arnoux, Axel Hubert et Damien Loiseau. Bonsoir à tous les quatre. On a envie de faire connaissance avec vous. Est-ce qu'on peut commencer avec vous, par exemple Damien Loiseau ? Je suis en postdoc à Lyon, au laboratoire de géologie de Lyon, et je travaille beaucoup sur la planète Mars, sur les questions de savoir où l'eau a été présente, quand, sous quelles conditions, et savoir où envoyer des sondes dans le futur. Donc je travaille sur l'étude de sites d'atterrissage pour les futures missions au sol sur Mars. Donc on voit bien le rapport avec l'exobiologie et la contamination. Hein. Vous vous intéressez à savoir où est-ce qu'il peut aujourd'hui y avoir de l'eau et puis même éventuellement de l'eau liquide, hein, encore aujourd'hui sur Mars, où elle, surtout aussi, l'eau a été dans le passé. Et donc bah, là où il y avait de l'eau, probablement, et si elle était liquide, hein, il y avait peut-être de la vie, hein, qui a pu apparaître à cet endroit-là, parce qu'il y a vraiment un lien direct entre les deux. C'est le but ultime de ces recherches, oui. Et la recherche de sites d'atterrissage, évidemment, c'est extrêmement important. Et vous avez intérêt à prendre en compte ce risque qui est, qu'est-ce qui se passe si sur ce site-là, on apporte des micro-organismes, hein, évidemment. Exactement, et on a des sites interdits. Interdits, justement. Ok, d'accord, on va voir ça avec vous. Axel Hubert, avec vous. Bonjour, donc moi c'est Axel. Je termine un post-doctorat au CNRS d'Orléans. Donc ma recherche, c'est pas vraiment Mars, c'est plutôt la Terre primitive et les formes de vie primitives sur Terre. Et la caractérisation chimique et géochimique de ces formes de vie, pour savoir à quoi ça ressemblait. Et puisque c'est peut-être très similaire à ce qu'on pourrait trouver sur Mars comme type de forme de vie fossile, on fait le rapprochement assez souvent, on essaye de trouver des moyens, de trouver des signatures pour trouver ces micro-organismes sur Mars. Donc, si la vie est apparue sur Mars, elle est sans doute, enfin c'est ce qu'on imagine aujourd'hui, hein, dans l'état des connaissances actuelles, elle est restée à un stade relativement primitif, parce que les conditions n'ont probablement pas permis qu'elle évolue dans un environnement favorable, hein, finalement. C'est ça, les conditions d'habitabilité qui n'ont pas forcément duré aussi longtemps que sur Terre, vu qu'elles sont d'actualité encore aujourd'hui. Ouais. Donc on va chercher plutôt des fossiles de bactéries, donc comme ce qu'il y avait sur la Terre primitive, et c'est ça que j'étudie. Donc avec vous, on va voir à quoi peut ressembler finalement la vie sur Mars, hein, aujourd'hui. Un petit peu. Si elle existe. C'est un peu ça. Voilà. Michel Vizeau. Donc je travaille au Centre National d'Études Spatiales et je suis responsable de l'exobiologie, donc de la recherche de la vie extraterrestre d'une façon générale et notamment des missions qui vont se destiner à cette recherche. Principalement une mission qui a commencé et qui va se poursuivre avec l'Agence Spatiale Européenne qui s'appelle ExoMars. Et puis une mission américaine qui sera lancée en 2020. qui s'appelle Mars 2020 pour l'instant. Elle n'a pas de petit nom. Et je m'occupe de façon plus lointaine aussi de tout ce qui peut se passer dans le système solaire, mais aussi maintenant des planètes extrasolaires et donc de toutes les recherches qui se font autour des planètes extrasolaires. Ok, Michel Vigeau. Et de la protection planétaire. Et de la protection planétaire, bien sûr. Et à votre côté, Jacques Arnoux. Donc bonsoir, Jacques Arnoux, je suis chargé des questions d'éthique au Centre national d'études spatiales. Donc je ne suis pas un spécialiste ni de la protection planétaire, ni de l'exobiologie, mais j'y suis évidemment, je m'y intéresse, puisque, comme tu l'as dit Paul tout à l'heure, il y a des questions un peu en... Derrière les questions scientifiques peuvent se poser des questions de type éthique, c'est-à-dire jusqu'où aller dans la recherche scientifique. Et puis, j'ai aussi, il ne faut pas oublier, j'ai été en fait abordé par des extraterrestres. Ah bon ? Ils m'ont dit ce soir, n'oubliez pas que nous avons aussi des droits. Et il ne faut pas oublier les droits des extraterrestres. Alors je ne sais pas si on ira jusque-là, mais on pourra peut-être s'interroger au moins sur nos devoirs à l'égard de ces possibles et hypothétiques extraterrestres. D'accord. Alors je vous rappelle que les mardis de l'espace sont organisés par le CNES, le Centre National d'Études Spatiales, qui est l'Agence Française de l'Espace, en association avec l'association Barre des Sciences Paris. Et aussi que vous pouvez intervenir sur Twitter, si vous tapez CNES TweetUp, avec deux E pour TweetUp, et bien voilà, vous pouvez intervenir sur Twitter, et on aura probablement, j'espère, des interventions de Twittos au cours de ce soir. Alors, j'aimerais bien poser une première question, peut-être à Michel Vigeau et Damien Loiseau. J'ai parlé de risque. Risque qu'on contamine une autre planète, risque que du matériel, des micro-organismes venant d'autres planètes contaminent la Terre. C'est des risques réels auxquels on doit faire face. Comment est-ce qu'on évalue ça ? Damien Loiseau. Le premier risque réel, déjà, avant de ramener des échantillons, quand on va sur place, c'est d'amener de la vie avec soi et de détecter de la vie. Mais au lieu de détecter la vie, une vie trouvée sur place, c'est de détecter la vie qu'on aurait amenée avec soi. Ça, c'est assez gênant, ouais. C'est déjà un bêtement, techniquement, voilà, le premier problème. Effectivement, ensuite, ramener de la vie sur Mars, ça, on pense qu'on l'a déjà fait, avec les sondes qui ont atterri, enfin, ont essentiellement pour le moment... qui est-ce qui a atterri sur Mars ? Les Américains, les Russes ont sans doute se sont sans doute crashés ou peut-être fait un demi-atterrissage sur Mars. Et les Européens ont aussi fait un demi-atterrissage, on va dire, sur Mars avec Beagle 2. On modèle qu'il y a pas mal de bactéries, par exemple, qui peuvent survivre à la stérilisation des sondes, au décollage, à la croisière dans l'espace et à l'atterrissage, et qu'on a sûrement dû amener quelques bactéries à la surface de Mars. Alors vous dites ça avec un grand sourire, donc ça n'a pas l'air si grave. Alors le risque est avéré, la vie existe sur Terre. La vie bactérienne existe sur Terre, nous en sommes la preuve vivante. S'il n'y avait pas de bactéries, on ne serait pas là. Et donc il est certain qu'on a amené des spores de bactéries sur Mars, donc des formes de résistance qui sont dormantes. Et dans certaines conditions, ces spores, donc cette forme de résistance peut rester activable pendant plusieurs dizaines, centaines, milliers, peut-être dizaines de milliers d'années. Mais tant qu'elle ne rencontre pas, d'une part, de l'eau liquide, et sur Mars actuellement, il ne peut pas y avoir en surface d'eau liquide, pour des raisons physiques. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? On en a vu. Non, on n'a pas vu d'eau liquide. On y reviendra. Non. Il ne peut pas y avoir sur Mars de l'eau liquide stable, comme dans un verre d'eau, ou dans un verre de vin, mais il n'y a pas que de l'eau dans le vin. Mais donc, ce n'est pas possible. Et donc, il ne peut pas y avoir un développement d'une population qui se maintient, etc. Donc, sur Mars, on a déposé sûrement, et on y fait attention pour en mettre le moins possible, on fait attention d'en mettre le moins possible, des spores de bactéries, quelques centaines de milliers peut-être. À chaque atterrissage, c'est ça ? Normalement, à chaque atterrissage, on est en dessous de 300 000 spores par sonde. Ouais. Donc, ce qui est plus propre, que ce qu'il y a de plus propre sur Terre. C'est-à-dire que quand vous allez dans la salle de chirurgie la plus propre qui soit sur Terre, vous êtes moins propre qu'une sonde martienne. D'accord. Et pourtant, on ouvre de la chair hein, dans les salles de chirurgie. Ouais. Donc vraiment, on a apporté quelques sports. Parce qu'on ne sait pas faire, on ne sait pas, zéro, on ne sait pas le faire. Et on ne sait pas le contrôler surtout. Et donc, on en a mis. Donc ça, c'est certain. Elles ne se sont pas développées, elles ne peuvent pas se développer parce que, premièrement, les températures sont extrêmement faibles, même si elles peuvent parfois faire des excursions très momentanées de quelques heures ou de quelques minutes, pas loin de 0 degré. Et en tout cas, il n'y a pas de liquide. Et ensuite, il n'y a pas de nutriments parce que la bactérie, elle ne vit pas que d'eau et d'eau fraîche, que d'air et d'eau fraîche. Elle a besoin de sucre, elle a besoin de choses pour se nourrir. Or, il n'y a pas de nutriments. Et comme ce que l'on a apporté n'a pas de raison d'être photosynthétique, c'est-à-dire ne pas pouvoir utiliser le gaz carbonique, la faible quantité de gaz carbonique qui existe dans l'atmosphère martienne, et l'énergie solaire. Donc, pour l'instant, c'est stable. Et donc, on a apporté des choses. Voilà. Donc, risque mesuré. Le risque est mesuré. Et simplement, il ne faut pas en amener trop quand on y va, parce que si on analyse ce qu'on a amené, c'est ce que disait Damien, eh ben, voilà, si on n'a pas les bons outils, on va se tromper. D'accord. Donc on en apporte, c'est sûr, on en apporte relativement peu, même si le chiffre peut paraître important, on en envoie aussi peu que possible. Le risque qu'il y ait une véritable contamination est quasi nul. Mais en revanche, là où on est vraiment embêté, du coup, là où il y a vraiment un problème, c'est du point de vue scientifique, quoi. Si on va... Alors comment est-ce qu'on pourrait, si on tombe sur une bactérie vivante, là pour le coup, ce serait une spore, hein, ce ne serait pas un fossile de bactérie. Comment est-ce qu'on pourrait déterminer s'il s'agit d'une bactérie terrestre ou martienne, d'origine terrestre ou d'origine martienne ? Est-ce qu'on aurait un moyen de faire la différence ? Je ne sais pas si on pourrait faire la différence. Parce que ça dépend comment on la trouve. Si elle nous fait bonjour, voilà. Si par contre, on arrive à faire ne serait-ce qu'une analyse de quelques composants de base, comme par exemple... ce que l'on appelle les acides aminés, qui sont les composants de ce qu'on appelle les protéines de la viande, hein, pour simplifier, et du blanc d'œuf. Si on arrive à faire une analyse et qu'on trouve ne serait-ce qu'un acide aminé qui soit différent des 20 acides aminés terrestres, eh ben on est sûr que ce n'est pas terrestre. D'accord. Donc voilà, il y a des réponses. Par contre, si elle est identique ou si elle est identique dans ses composants de base à la vie terrestre, acides aminés, sucre, graisse, support du gène, etc., etc., on ne fera pas la différence. Si elle n'est pas différente, on ne fera pas la différence, si ce n'est sur des formes morphologiques. Mais s'il y a une moindre différence chimique dans ces éléments de base, qui sont très simples sur Terre, hein, 50 sucres, 20 acides aminés, 4 bases azotées... s'il y aurait quelque chose de différent, là, on sera sûr que c'est martien. Mais vous pouvez imaginer qu'une vie qui se soit développée il y a 4 milliards d'années, qui a commencé il y a 4 milliards d'années sur Terre et puis sur Mars, puisse se ressembler au point qu'on ait des acides aminés communs ? Si elles sont apparues de façon complètement indépendante, il y a de fortes... on a toujours du problème à savoir comment la vie est apparue, mais il y a quand même de fortes chances qu'il y ait des différences. Ouais. Dans les détails, au moins, parce qu'on pense que la vie telle qu'elle est sur Terre est assez efficace, mais bon, il peut toujours y avoir des petites différences. Je crois que les acides aminés, ils sont fabriqués dans les nuages interstellaires, c'est pas juste sur Terre. Il y a des processus qui en produisent, à moins que je me trompe. Hein, Tout à fait, mais on ne les utilise pas tous. Ouais. Voilà. On les utilise pas tous. Il y en a partout. Oui. Il y en a partout des acides aminés. Il y en a partout. Il y en a dans les météorites qui nous tombent sur la tête. Ouais, c'est ça. Quand le ciel nous tombe sur la tête, il nous apporte des acides aminés. Même les poussières, n'est-ce pas, Vassilissa, nous apportent des. Parce qu'elle m'a répondu à une question que j'avais posée il y a pas quelque temps. Ah. Donc même les poussières interplanétaires nous apportent des acides aminés et donc alimentent la Terre avec des acides aminés. Mais ces acides aminés, c'est pas les vins. Dans, par exemple, dans la météorite de Murchison, on a trouvé plus de 60 acides aminés différents. Et on est sûr que ce ne sont pas, forcément, parce qu'il y en a plus que ce qui se fait sur Terre par la vie, que ce sont des acides aminés extraterrestres. Donc voilà. Donc il y a de fortes chances. Enfin, il n'y a pas de raison que ce soit exactement les 20 mêmes. Alors, Bien sûr, il y en aura qui seront identiques. Il n'y a aucune raison qu'ils ne le soient pas. Mais que ce soit les vins, c'est très, très limité. 20, vous vous rendez compte, on fait des personnes aussi belles qu'Axel ou aussi vieilles que moi avec les mêmes acides aminés. C'est quand même formidable. Ça, c'est pas mal. Et du coup, des acides aminés, on pense qu'il doit y en avoir sur Mars aussi. Puisqu'il en tombe sur Terre, il doit en tomber sur Mars. Et du coup, on devrait aussi les trouver à la surface de Mars, sachant qu'ils doivent se dégrader quand même assez rapidement. Mais il doit y en avoir aussi à la surface de Mars. Donc ça, c'est la contamination éventuelle de Mars, donc on a compris. Alors, il y a le risque inverse, qui est de se faire contaminer, nous, par une éventuelle vie extraterrestre. Est-ce que... Il y a du matériel extraterrestre qui tombe sur Terre, vous parliez des météorites, et puis parfois, on a fait des retours d'échantillons aussi. On a rapporté des éléments de comètes, de la Lune, de Mars... ah bah pas encore, non, de retours d'échantillons de Mars... volontaire de la part d'hommes et de femmes, il n'y en a pas eu. Mais voilà, donc on n'a pas encore été contaminés nous-mêmes. Alors, je ne sais pas si on n'a pas été contaminés. Il y a deux choses. Il y a ce qu'on appelle le flux naturel. Et donc, effectivement, il y a des météorites martiennes qui sont reconnues comme provenant de la planète Mars, qui sont arrivées sur Terre. On en connaît à peu près une cinquantaine maintenant. Il y en a qui ont fait beaucoup parder d'elles, notamment ALH84001. On va y revenir, terminer, puis on va aller la voir. Donc ça, c'est une chose. Par contre, et puis il y a les échantillons que l'on rapporte volontairement. Ces échantillons, lorsqu'on les rapporte volontairement, dans tous les cas... Donc il y a eu des échantillons lunaires, et d'ailleurs il y a eu une quarantaine de ces échantillons lunaires pendant un certain temps, au cours des trois premiers vols lunaires, parce qu'on était... quasiment sûr qu'ils étaient stériles, mais le quasiment n'est pas suffisant. Donc on voulait être... une quarantaine, c'est ça ? Bah, comme les astronautes qui étaient dans leur petite boîte, et les échantillons lunaires étaient traités de la même façon, en quarantaine. Alors, ils étaient en quarantaine pour deux raisons. D'une part, pour les protéger des contaminations terrestres, parce qu'on voulait les étudier. Ouais. Donc ça, c'était une protection pour que rien ne rentre dedans. Et puis, comme on n'était pas sûr, même si on était presque sûr, on ne voulait pas que quelque chose en sorte. Et donc, ils étaient en quarantaine, donc à l'époque, pendant un certain temps, avant qu'on soit sûr qu'ils soient stériles et que donc ils pouvaient être distribués. Et la quarantaine, ça ressemble à quoi pour un échantillon de roches lunaires ? On l'enferme dans une... dans une de roches lunaires, ils ont dépensé beaucoup d'argent. On les met dans des sortes de containers à double ou à triple paroi, sous une atmosphère contrôlée. Alors, ils n'ont pas besoin de respirer, donc on ne filtre pas forcément. Enfin, il y a des filtres qui assurent que rien ne peut sortir, aucune particule sérieuse ne peut en sortir. Et puis, à partir de là, avec des boîtes à gants, on fait des examens de base pour vérifier qu'ils ne sont pas contaminés. Et tout ce dont on s'est servi pour ça, ça ressort pas. Les poubelles, elles ne sortent pas comme ça. Elles sortent après avoir été cuites à 250, 300, 500 degrés. Ça dépend un peu des modalités. De façon à ce qu'on soit sûr que rien de contaminant ne puisse en sortir. Donc, c'est un super laboratoire... P3 ou P4, Biosafety Level 3 ou 4, c'est-à-dire que tout ce qu'on peut rentrer avec des protections, mais on est sûr que l'air ne sort pas, qu'il n'y a pas d'atmosphère qui sort, et tout le matériel qui sort, c'est cuit. Donc c'est stérilisé brûlé. Par cuisson, au four, etc., ouais. Soit à l'autoclave, soit au four. D'accord. Au four. Okay. Voilà. Porté à très haute température. Damien Loiseau. Et pour ramener les échantillons aussi, on s'assure que le récipient dans lequel elles sont ne va pas s'abîmer et exploser au moment où de l'atterrissage sur Terre, par exemple, et que tout du long de la chaîne, depuis le départ de la planète jusqu'à l'arrivée dans un laboratoire, on ait bien l'intégrité des échantillons et aucune... aucun échange. Vous dites on fait ça, mais on le fait quand ? Il y a des retours d'échantillons, non, il n'y en a pas eu tant que ça. Le dernier, c'est quoi ? C'était d'une comète, si je ne m'abuse. Ah non, il y a eu un astéroïde aussi avec un engin japonais. Le dernier, c'est Hayabusa. Hayabusa, voilà, c'est ça. Alors, donc, des retours en dehors de la Lune, il y a eu trois retours d'échantillons qu'ils ont fait. Il y a Genesis, qui était des particules solaires. Donc, c'était des particules de vent solaire collectées sur du grenat. Donc, il y a une analyse qui a montré qu'il n'y avait pas de risque d'incontamination bactérienne parce qu'il n'y a pas de bactéries dans le vent solaire. Le deuxième, c'était... Le vent solaire, c'est un flux de particules qui vient du soleil. Hein. Voilà, le vent solaire, ce sont les atomes et les ions qui sont émis par le soleil au moment de... Enfin, tout ce qui brille, quoi. Enfin, au moment des expulsions de matière, des expulsions massives de matière, donc du soleil. Et donc tout ça, ça génère des choses qui sont récoltées. Il y en a qui ont été étudiées en France, en Allemagne, etc. Et aux États-Unis, bien sûr. Donc on a considéré qu'il n'y avait pas de risque. Le deuxième retour d'échantillon, c'était... Stardust, donc c'était des grains cométaires qui étaient récoltés à très grande vitesse dans un aérogel. Ils étaient portés à très haute température. Donc grains cométaires, c'est on va dans la queue de la comète, voilà. On passe dans la queue et on récupère tout ce qu'on peut sur un gel. On capte, c'est une sorte d'énorme raquette de tennis remplie avec de l'aérogel, donc une sorte de gélatine pour simplifier. C'est pas un peu plus compliqué que ça. Hein. Et puis quand elle passe à travers le vent solaire, elle récolte les grains qui sont freinés parce que la différentielle de vitesse, il est entre 30 et 70 km par seconde. Donc il faut les freiner. C'est pas un attrape-mouche comme ça. Hein. C'est vraiment, il y a vraiment un très grand différentiel de vitesse, ce qui fait qu'il y a un échauffement et la plupart des grains qui ont été récoltés, ils ont été éclatés par la chaleur. Ah oui. Et donc on a reconnu. Choc était élevé quand même. Ben 70 kg. Enfin après c'est un calcul d'énergie pour aller niveau terminal, hein, pour faire calculer combien ça fait de chaleur si on a un grain de. On n'a pas ramené grand-chose, puisque je crois qu'on a à peu près rapporté au total, le total des grains qu'on a ramenés, c'est moins d'un milligramme. Ah. Non, quand on dit on a ramené, alors il y en a beaucoup, mais ils sont minuscules. Ouais. Ils sont infinitésimaux, c'est des nanogrammes, etc. Et donc le total, c'est moins d'un milligramme. D'accord. Et donc on a fait une analyse pour dire qu'il n'y a pas de bactéries dans la queue des comètes. D'accord. Et en tout cas, bon, il n'y en a pas. Voilà. Et le troisième, c'était Hayabusa, donc c'était un retour d'échantillon de l'astéroïde Itokawa, qui était fait par les Japonais, ils ramenaient des grains, c'est arrivé au milieu du désert de Woomera en Australie, au milieu de la plus belle réserve dans laquelle on n'a pas le droit d'entrer avec un vélo, etc., parce qu'il ne faut pas polluer quoi que ce soit, etc. Bon, ah. Une ancienne base militaire, hein. Bon, maintenant c'est devenu une réserve. Et donc, dans cette base... les Australiens sont venus voir, et moi j'ai participé à ça au COSPAR, le COSPAR en disant, est-ce que vous pouvez nous garantir qu'il n'y a pas de danger ? Le COSPAR, c'est une réunion internationale de scientifiques donne... Les gens qui s'occupent de gérer, mais de proposer et d'analyser les problèmes de protection planétaire. Et donc ils sont venus nous voir pour nous demander, vous êtes sûr qu'il n'y a pas de danger ? Et donc, moi, je me rappelle, parce que j'étais dans la réunion, donc on a bien réfléchi, et puis pour trouver les bons mots pour le dire, et on a effectivement dit que ce qui venait d'un astéroïde de type S ne présentait pas de risque de risque de quoi que ce soit, d'avoir des éléments vivants susceptibles de contaminer la biosphère terrestre, et donc c'était unrestricted, donc un retour sur Terre sans restriction. D'accord. Ok. Alors on peut peut-être regarder deux images là en page 2. Si vous regardez les petits livrets qui ont été installés sur vos tables, en page 2, on voit la quarantaine. Hein, Michel Vizeau, Damien Loiseau, la quarantaine. Alors on voit les trois hommes, Buzz, Armstrong, et puis il y a Nixon qui a l'air très joyeux. Ça dure combien de temps cette quarantaine? Vous savez combien elle a duré? La quarantaine avait duré 40 jours. Ah bon, d'accord. Ils avaient appliqué. Comme son nom l'indique. D'accord. Alors, pour les échantillons, ça sera peut-être différent parce qu'il y a des analyses. Là, ils avaient enfermé en même temps deux médecins, je crois, et un mécanicien parce qu'ils pourraient réparer à l'intérieur. Enfin, sacrifiés alors. Il y a eu des volontaires qui se sont sacrifiés, qui étaient prêts à mourir avec eux. D'accord. Et puis il y a cette image-là aussi qu'on peut regarder. C'est ALH. 84001, ça doit être la cinquième page, quelque chose comme ça. ALH 84001, une météorite qui a fait parler d'elle. Une météorite martienne. Et comment est-ce que... Vous me dites qu'il n'y a pas eu de retour d'échantillon de Mars, et en même temps, on a une météorite martienne. Mais là, il n'y aura pas de procès, parce qu'il n'y a pas de responsable. Ah bon? Bon, Michel l'a déjà dit, justement, on a des retours naturels d'échantillons de Mars, on va dire. Alors, on ne les choisit pas, malheureusement, mais on a, donc Michel, tu disais, une cinquantaine de météorites qui représentent, a priori, quelques impacts. Donc, pour arriver à arracher de la roche à Mars et qu'elle revienne sur Terre, il faut un gros impact sur Mars. qui mettent en orbite... C'est une météorite qui... Voilà, qui un astéroïde, par qui exemple. Heurte qui heurte la planète Mars. Qui heurte Mars. Alors, Mars n'est pas très très loin de la ceinture d'astéroïdes, donc il ouais. y a pas mal d'impact. Et puis, il y a des traces d'impact, ça, on n'en manque voit. Pas. Voilà, des cratères. Donc, il faut un impact assez gros qui mette en orbite, et même, enfin, qui éjecte complètement de l'orbite martienne des morceaux de roche. Et puis le hasard fait qu'il y en a quelques-uns qui peuvent croiser l'orbite terrestre et tomber sur Terre. Et du coup, je crois que sur la cinquantaine d'impacts, on pense que cette cinquantaine de morceaux de roche viennent de 4 ou 5 impacts différents. Ah, d'accord. Seulement. Donc on arrive à faire des familles voilà, ouais. de météorites martiennes. D'accord. Et tout le problème est de savoir d'où elles viennent sur Mars, de quel âge ont les roches martiennes, et même pour certaines, tout le monde n'est pas d'accord. Alors la plupart de ces roches ont l'air d'être des laves assez récentes dans l'histoire de Mars. Donc pas forcément le type d'échantillon qu'on nous on irait ramasser sur place. Oui, parce que ce qui est de la lave, c'est pas forcément très intéressant, on ne trouvera pas de vie là-dedans. Hein. C'est pas là qu'on s'attend ouais. voilà, à avoir de la vie. Et sauf que là, regardez là, en médaillon, en noir et blanc, bah, qu'est-ce qu'on a là sur cette même page, là, ALH8401, sur la droite, il y a une petite photo noir et blanc, je sais pas, vous la connaissez probablement. C'était en 96, je crois, que c'est, ou 97, quelque chose comme ça, que cette information est sortie. Oui, avec une conférence de presse spéciale de Bill Clinton, etc., etc., donc sur cette découverte majeure. Donc, quelle découverte, faut dire ce que c'est qu'est-ce qu'on a découvert? Les gens ont découvert cette forme, et donc ils ont vu que c'était une concrétion. On parle bien de la photo en noir et blanc, on voit une espèce de forme oblongue. La photo en noir et blanc, et ça ressemblait, alors vu le grossissement, ça ressemblait à une... concrétion qui pourrait être d'origine bactérienne et qui pourrait représenter une bactérie fossile. Donc on a cru que ça a été annoncé par Bill Clinton, c'était probablement... c'est pas simplement on a cru. La première extraterrestre, je termine pour que ce soit clair. On a cru. Les gens qui ont fait cette découverte ont fait un certain nombre d'analyses, très poussées quand même, il faut dire les choses comme elles sont, et ils ont conclu que l'hypothèse que c'était une bactérie extraterrestre ne pouvait pas être écartée. D'accord. Et donc c'est devenu, ça c'est la science. Oui, oui. Après, quand la presse s'en empare, c'est devenu, on a trouvé une bactérie martienne sur ALH84001. Alors, excusez-moi, c'est quand Clinton s'en empare. Oui, mais enfin, non, la NASA avait besoin d'argent. Oui, la NASA aussi, bien sûr. Quand même, la NASA fait beaucoup de bruit. Voilà. Non, attendez, c'était en soi une bonne... c'était une belle découverte. Ouais. Donc, immédiatement... Alors, ALH, pourquoi tout le monde s'en rappelle? Parce que dès qu'on sait ce que ça veut dire, c'est pas parce qu'on l'apprend par cœur, mais on comprend. ALH, ça veut dire... C'est Allan Hill. Ça veut dire que c'était trouvé dans la zone Allan Hill de l'Antarctique. 84, c'était en 1984. Et 001, parce que c'était la météorite la plus intéressante. Donc, ils l'ont mise le chiffre 1. Donc, les Américains, pour trouver des météorites, martiennes ou autres, c'est très simple. Hein, ils vont se mettre dans la neige... prennent des skidous et tout ce qui est noir au milieu de la neige, c'est forcément quelque chose qui est tombé du ciel, puisqu'il y a 3 km de glace dessous, donc c'est pas des roches qui sont remontées. Et donc c'est forcément des météorites. Donc c'est comme ça qu'ils récoltent les météorites. Et donc voilà, donc là-dessus, ça a fait beaucoup de buzz. Les scientifiques ont dit ça peut être des fossiles terrestres, une fossilisation terrestre. Et donc ils ont contesté donc, cette première découverte. Et donc... les académies, notamment l'Académie américaine, a réfuté en fait cette conclusion en disant que c'était une bactérie martienne. Ça a été réfuté ensuite par d'autres scientifiques. Et donc il y a toujours un débat, il y a des gens qui continuent à dire, parce qu'il y a quand même quelques phénomènes qui disent qu'on ne comprend pas pourquoi ça pourrait être artificiel de cette façon-là. Voilà. Donc, okay. Débat. Très bien, débat, parfait. Bon, je crois qu'on a fait un petit tour là avec les scientifiques autour de ces sujets-là. On va continuer avec vous, Axel Hubert, qui est également scientifique. Alors, vous vous intéressez, comme on l'a dit, à la vie primitive sur Terre. Pour vous, effectivement, s'il y a de la vie sur Mars, elle pourrait ressembler à la vie primitive sur Terre? C'est ça l'idée? Oui, c'est ça l'idée. Sur Terre, la vie primitive a commencé par le stade bactérien. On pense que sur Mars, si les conditions d'habitabilité étaient les mêmes, de l'eau liquide, à peu près la même température d'eau liquide stable, donc les océans, les mêmes nutriments aussi pour la vie, c'est-à-dire des arcs volcaniques, des édifices volcaniques qui s'altèrent, donc les mêmes qui s'érodent, donc les mêmes nutriments dans l'eau, dans l'océan pour les bactéries. Donc on pense que la vie martienne telle qu'on pourrait la découvrir aujourd'hui, donc fossile en tout cas, pourrait ressembler, oui, à la vie primitive sur Terre. Une vie fossile, il faut bien s'entendre, c'est de la vie morte, c'est des restes de bactéries c'est passées. C'est comme les fossiles de dinosaures, sauf que c'est 100 fois plus petit qu'un cheveu. Voilà. C'est pas la même échelle de recherche de morphologie de fossiles, oui, c'est sûr. Alors vous êtes micro-paléontologue, hein, votre thèse, c'est une thèse en micro-paléontologie. Oui. Bon. C'est un des mots-clés pour... oui. Un des mots-clés, oui, très bien, très bien. Donc micro, on a bien compris, c'est tout petit, paléontologie, on va vous intéresser vraiment aux fossiles de bactéries. Mm-hmm. En quoi consistaient vos travaux, là? Alors, c'est les images que je vous ai envoyées. Moi, je suis géologue de formation. Donc, pour étudier la vie primitive sur Terre, il faut se servir des seules archives qu'on a du début de l'histoire de notre planète, c'est les roches. Donc on commence par aller sur le terrain et aller chercher les roches qui ont l'âge qui nous intéresse, c'est-à-dire des roches entre 3,5 et 2 milliards d'années environ. Donc ça se trouve en Afrique du Sud, au Canada, en Australie. Donc nous, on est allé en Afrique du Sud pendant 3 semaines et on a fait une campagne de terrain pour récolter les roches sédimentaires, ce qu'on disait tout à l'heure. Pour avoir plus de chances de trouver de la vie dans une roche, il vaut mieux miser sur les roches sédimentaires, donc les sédiments hein, de type plage, de type océan, de type lac, où la vie se développe, plutôt que des roches magmatiques qui ont été une fois brûlées à 700 degrés, oui voilà, c'est ça. Donc des roches sédimentaires, c'est-à-dire que ce sont des roches qui se sont constituées avec du matériau qui s'est progressivement déposé, par exemple au fond des rivières, sur les plages, ce genre de choses-là, c'est ça ? Oui, voilà. Alors surtout, nous, on a cherché surtout des environnements de type plage, puisqu'en fait, je m'intéressais, mais ça c'est autre chose, on s'intéressait à la photosynthèse, donc à des milieux à queue peu profonds, puisqu'il faut que la lumière pénètre. Bref, c'est un autre D'accord. sujet. Alors, on peut commencer votre histoire et puis on la terminera après. Si on regarde cette planche-là qui est notée numéro 1, et qui s'intitule « La géologie de terrain, repérage et échantillonnage de roches », ça doit être la numéro 7, quelque chose comme ça. La géologie de terrain, le numéro 1. Alors, c'est pas vous qu'on voit là, si ? Non. C'est pas vous, non, c'est sûr que c'est... Michel pointe le singe et dit, si, elle est là. Merci. Merci, Michel. Vous êtes parti à 4. Là, c'est en Afrique du Sud. Oui. Et donc, on vous voit effectivement faire des relevés parmi les singes et les girafes. C'est ça. Et donc, les affleurements de roches, là, ce sont ces roches qui vous intéressent. Mais pourquoi aller en Afrique du Sud ? On a plein de roches en France. Justement, c'est parce que des roches qui datent donc de ce qu'on appelle l'époque précambrienne en géologie, c'est-à-dire l'époque qui va de 2 à 4 milliards d'années dans le passé, ces roches-là, à cause de la tectonique des plaques qui renouvelle continuellement le matériel géologique sur Terre, ces roches-là n'existent plus à beaucoup d'endroits. Donc on les trouve en Afrique du Sud, principalement, et au Canada, et en Australie, et à d'autres endroits, mais quand elles sont à la surface, c'est dans ces zones-là qu'on va aller les chercher pour pouvoir les étudier et les échantillonner à coups de marteau et de masse. Alors à coups de marteau, là, on vous voit là, c'est pas vous, mais on vous voit poser avec une énorme masse, ouais. c'est comme ça que ça se passe ? C'est comme ça que ça se passe pour ces roches-là, parce qu'elles sont très très solides. C'est parmi les roches les plus vieilles du monde et elles sont extrêmement solides et dues à plusieurs phénomènes chimiques, mais aussi dû à la compaction et du coup il faut y aller à la masse puis au marteau, oui. Et au marteau, d'accord. Alors vous êtes particulièrement vous intéressé à des bactéries qui ne sont pas les bactéries qu'on pourrait trouver aujourd'hui sur Mars. Ce sont des bactéries un peu plus évoluées que celles primitives qu'on devrait pouvoir trouver sur Mars. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence entre à quoi ressemblerait une bactérie martienne si on la trouvait aujourd'hui et puis les bactéries que vous avez eu envie d'étudier, qui étaient un peu plus âgées, un peu plus évoluées? Ok, alors en termes de taille et de morphologie, ça peut être assez similaire, donc quelques microns de long ou de large, et puis soit sous forme de filaments, soit sous forme de petites sphères. Par contre, ce qu'on va chercher sur Mars, vu qu'on pense que la vie, même bactérienne, n'a pas eu le temps d'évoluer très longtemps, puisque les conditions d'habitabilité ont changé, on va chercher plutôt donc, la vie primitive de chez primitive, c'est-à-dire plutôt des organismes, des bactéries chimiotrophes. C'était, on pense, une des premières formes de vie sur Terre, c'est-à-dire des bactéries qui oxydent un matériel précurseur pour faire leur propre énergie et leur propre matière organique. Donc elles peuvent oxyder soit des minéraux et se servir des ions qu'elles récupèrent pour vivre, soit déjà de la matière organique préexistante, donc de leurs collègues à côté, soit... Donc voilà. Ces bactéries très primitives hein, n'étudiez pas tout à fait vous-même, hein, qu'on pourrait éventuellement trouver sur Mars, ce sont des bactéries dont chimiotrophes, qui finalement tirent leur énergie de processus chimiques avec leur environnement, récupérer de la matière, la transformer et obtenir de l'énergie au passage. Michel Vizeau. Ouais. Oui, ça veut dire, juste pour être plus descriptif, elles ne sont ni vertes comme des plantes, ni rouges comme des algues. C'est-à-dire qu'elles n'utilisent pas la lumière du soleil, qui était le deuxième stade de développement qui arrivait très tard sur Terre et qui nous a provoqué l'oxygène, qui à la fois nous fait vivre et nous assassine. Mais voilà, donc ce sont des bactéries qui utilisent uniquement de l'énergie qui est concentrée dans les roches. Alors ça existe encore sur Terre. Il y a des bactéries, par exemple, qui font des trous dans la pyrite, et qui ne vivent que, qui sont dans la pyrite, c'est du sulfure de fer, et donc qui utilisent le potentiel redox de cette pyrite. Donc voilà, donc ce sont des bactéries qui existent sur Terre, et on pense que les chimiotrophes existent encore sur Terre. Chimiotrophes, ouais. Et donc elles n'ont pas besoin, disons, de la lumière du soleil pour, et donc c'est plutôt ça qu'on va chercher, si j'ai bien compris, parce que justement c'est grâce aux travaux qu'a fait Axel. Ces bactéries très primitives qu'on pourrait trouver sur Mars, elles sont chimiotrophes. Vous vous intéressez plutôt à des bactéries plus évoluées qu'on appelle photosynthétiques. Donc photosynthétiques, c'est-à-dire qu'elles utilisent la lumière du soleil pour fabriquer leur énergie. Et vous posiez une question très particulière. Est-ce qu'on peut pouvez nous l'expliquer? Ok, alors je vais faire rapidement parce que si je me lance sur le sujet, je peux parler des heures. Oui, donc du coup, voilà, moi, pendant ma thèse, je me suis acharné sur les bactéries photosynthétiques qui sont en fait donc des bactéries qui utilisent la lumière solaire comme source d'énergie, mais contrairement à ce qu'on appelle photosynthétique aujourd'hui, c'est-à-dire des organismes très évolués comme les plantes qui font partie des eucaryotes comme nous, hein, donc les plantes, qui à l'époque ne relâchaient pas d'oxygène. Les premières formes de bactéries photosynthétiques, donc qui sont arrivées après les chimiotrophes, ne relâchaient pas d'oxygène et ont ensuite évolué vers un type d'organismes photosynthétiques qui produisaient du dioxygène. Et on pense que c'est ça, en partie, qui a permis à notre planète de devenir oxygénée et de développer des organismes plus complexes, nous compris. Et donc ces bactéries photosynthétiques, d'abord anoxygéniques, elles ne produisent pas d'oxygène, ensuite oxygéniques, elles produisent de l'oxygène. C'est ça. OK. Et votre question, c'était quoi? Ma question, c'était quand est-ce que cette transition s'est faite? Quand est-ce que cette transition entre les bactéries photosynthétiques anoxygéniques s'est faite avec les bactéries oxygéniques? Alors, c'est vrai que ce n'est pas une question qui intéresse directement la vie dans l'univers, mais vos travaux et la manière dont vous vous y prenez et qu'on va décrire et que vous avez décrit là, dans ces planches, c'est le genre de travaux que mènent d'autres scientifiques, hein, comme vous et d'autres, pour essayer d'en savoir plus sur les bactéries primitives qui, elles, ressemblent à celles de la planète Mars. Hein. Donc on va suivre ensuite cette histoire et on va voir comment est-ce que vous vous y prenez et comment est-ce qu'on s'y prend pour essayer de savoir à quoi ressemblaient les premières bactéries. Michel Vizeau, vous voulez dire encore un mot? Alors moi je parle tout le temps, mais bon, c'est pas grave. Je vous fais confiance pour m'interrompre. Simplement, ce qui est très très intéressant, c'est que en s'intéressant aux bactéries primitives, Axel, elle s'est intéressée aux traces que ça laissait dans les roches. Et ces traces-là, c'est un exemple, je dirais, c'est un modèle pour le genre de choses que l'on peut aller chercher sur Mars à un moment ou à un autre. C'est pas forcément, même si on va pas chercher directement ça, mais ça nous donne des idées sur quels instruments, alors, hors rapporter des échantillons, mais si on rapporte des échantillons, c'est quels échantillons il faut récupérer, alors, par analogie avec ce qu'on a sur Terre, mais si on envoie des instruments pour faire des analyses sur place, in situ, disent les savants comme je suis, bien sûr, donc si on fait des analyses sur place, eh bien, ça nous donne des idées sur quel type d'instrument, quel type d'analyse il faudrait faire sur place. Et là, ça donne libre cours à toute l'imagination de nos amis ingénieurs. Alors Jacques Arnoux, moi quand j'entends Michel Vizeau, quand j'entends Damien Loiseau, j'ai l'impression que ça va, tout est sous contrôle là. Finalement on envoie des trucs sur Mars, mais finalement il n'y a pas tellement de risques. Ça revient sur Terre, mais bon, on a beaucoup embêté Armstrong, etc. avec les quarantaines. Finalement ça ne servait pas à grand chose. À Woomera en Australie, finalement on était sûr qu'il n'y avait rien. Donc... est-ce qu'on a besoin de faire attention, finalement ? Alors, nous, ça peut ne pas nous déranger, ce soir, quand on est en train de discuter ensemble, autour d'une bière et d'autres mets délicieux. Il y a quand même des personnes qui ont été intéressées, voire soucieuses de ça. D'abord, ce sont, je pense, les auteurs de science-fiction, qui ont très largement eu une source d'inspiration à partir de ces choses-là. C'est-à-dire, soit on va effectivement contaminer d'autres planètes, mais ça, à la limite, ils n'ont qu'à se débrouiller entre eux. Mais des retours, enfin, ou des arrivées de formes de vie extraterrestres qui viendraient nous titiller un petit peu, nous ennuyer, ça, il y en a plein la science-fiction. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles l'autre groupe, cette fois-ci, ce sont les scientifiques, ces gens, les gens comme du COSPAR, se sont interrogés sur les manières de conduire ces expériences d'exploration d'imploration, enfin de retour d'exploration. Alors, soit pour des raisons scientifiques et techniques, on vient de les expliquer, pourquoi ? Pourquoi il est nécessaire d'être quand même un peu attentif quand on va emmener une sonde sur Mars. Je pense que tout le monde l'a compris ce soir. Mais j'ai constaté, quand j'ai commencé à m'intéresser à cette question, à travers Michel, à travers justement le COSPAR, que leur interrogation était évidemment essentiellement scientifique, enfin leur intérêt, mais que pour autant, ces braves gens, parce que ce sont des braves gens, les scientifiques, hein, c'est pas tous des fous à faire n'importe quoi, et où ne pensaient qu'à leur sujet... avaient quand même, se demandaient quand même dans quel contexte ils menaient leurs travaux. Il y a maintenant 6 ou 7 ans, il y a eu comme ça une rencontre organisée par le COSPAR, où en plus du groupe de scientifiques des purs et durs, eh bien, il y avait quand même des gens plus des sciences humaines, ou alors qui faisaient référence à des domaines comme le droit. Hein. Qu'est-ce qu'il en est des recherches menées soit en exploration, soit en retour d'échantillons vis-à-vis du droit spatial ? Est-ce que le droit nous dit des choses ? Pas grand-chose, faut reconnaître, mais ils essayaient déjà de comprendre. Et puis, même un peu plus loin que le droit, des gens qui revenaient plutôt de l'éthique. Ça ne veut pas dire qu'on est allé très loin dans la discussion, parce que c'est pas si simple. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de points d'interrogation, il y a beaucoup aussi d'expertise et de compétences, on vient de le voir. C'est pas du tout évident à comprendre le fin du fin de vos travaux. Mais il y avait quand même ce souci de se dire, au fond, nous... Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai compris. Nous, scientifiques, nous travaillons au sein d'une société ou d'une culture. Enfin, on a des concitoyens. Et comment nos travaux peuvent les concerner ? Et voire même peut-être directement par les techniques que nous utilisons. Donc au moins cette question-là. Donc je verrais au moins donc, les deux intérêts qui viennent soit vraiment de la science-fiction, parce que pensez à quelques titres, hein, il y a des trucs qui sont pas nécessaires. Enfin, pardon ? Andromeda Strain. Oui, par exemple. Andromeda Strain. Hein, bon, avec plusieurs fils d'ailleurs de cet essai de Crichton. Quand même, ça fait réfléchir. Après, quand on rentre plus dans le domaine, c'est pour moi la question qui m'intéresse, c'est-à-dire que jusqu'où mener un travail scientifique lorsque l'on met en cause éventuellement d'autres milieux. Alors pour ça, je le disais en guise de boutade en commençant, et le droit des éventuels martiens. Bon, et jusqu'à quel point on a le droit d'aller se balader sur Mars et répandre nos petites cochonneries, même d'ailleurs pas nécessairement biologiques, ne serait-ce que chimiques ou physiques, hein, nucléaires et tout le reste. Et puis aussi, jusqu'à quel point les travaux de ces messieurs-dames, qui les intéressent et les passionnent, j'espère, peuvent-ils mettre en cause éventuellement l'intégrité de la biosphère terrestre ou ne serait-ce qu'une petite biosphère ? Parce que, voilà, ils n'ont pas tout à fait répondu. Est-ce que le risque est zéro ? Ou est-ce qu'on peut dire qu'il est zéro alors que quand on envoie quelque chose, on dit qu'il n'est pas zéro sur Mars ? Bon, voilà. Donc ces questions-là peuvent quand même nous concerner, nous, comme citoyens, éventuellement non-chercheurs. Aux États-Unis, si tu es blanc, tu as ta place à Manhattan. aux États-Unis, si tu es noir, vaut mieux rester à la Nouvelle-Orléans. Aux États-Unis, si tu es mexicain, on te ramène toujours à ta frontière. Aux États-Unis, si tu es juste une spore de bactéries activable, avec tes 300 000 compères, on t'a déjà envoyé sur Mars. Alors les habitués là, de ces soirées, vous avez vu que Xavier devient de plus en plus engagé socialement, hein, politiquement, et envoie du... c'est de plus en plus lourd. Michel. Je reviens à l'image de la quarantaine d'Apollo 11 avec les trois dans leur aquarium, là, enfin leur caravane. Il me semble qu'il y avait une faiblesse dès le début qui ruinait tout le principe de la quarantaine. C'est que quand Apollo revenait sur Terre, ou plutôt sur mer, on commençait par ouvrir le hublot. Un plongeur ouvrait le hublot pour leur passer les combinaisons et je ne sais plus quoi. Ce qui fait que les microbes lunaires supposés auraient eu largement le temps de plonger dans l'océan Pacifique. Ou Atlantique, je ne sais plus, et de contaminer sans qu'on puisse faire quoi que ce soit. Donc tout le reste de la quarantaine, c'était en fait du cinéma. Il y a eu aussi d'ailleurs, mais j'ai eu plusieurs versions là-dessus, une rumeur, disons, sur la caméra qui avait été récupérée de Surveilleur 3 par les gens d'Apollo 12, et dans laquelle on avait trouvé des microbes. Alors on s'était dit, c'est peut-être des microbes lunaires, etc. Deuxième version, enfin la première n'a pas duré longtemps, deuxième version c'est que la caméra avait été mal stérilisée, et troisième version c'est au moment où on l'a rapportée qu'elle a été recontaminée au retour. Alors je ne sais plus très bien quelle est l'explication finale, mais c'est juste un exemple pour montrer qu'il y a une porte ouverte, c'est le cas de le dire, pour la quarantaine, sur pas mal d'hypothèses plus ou moins sérieuses, plus ou moins compatibles, et toutes assez difficiles à vérifier ou à démentir. Il faut rappeler que c'est une caméra donc, qui se trouvait sur la Lune, qui est restée quelque temps sur la Lune, qui a été récupérée ensuite par une mission qui est arrivée plus tard. Et quand on l'a rapportée sur Terre, on a trouvé des micro-organismes sur cette caméra et on se demandait s'ils étaient lunaires ou pas. Alors pour commencer par cette histoire de quarantaine et d'Apollo 11, Michel Vizeau. Voilà, la quarantaine d'Apollo 11, bon, d'abord dès qu'il y a des hommes, on est dans le politique. Donc la quarantaine d'Apollo 11 était effectivement, comme Apollo 12 et Apollo 14, parce que 13, ils sont pas fait de quarantaine, ils ne sont pas allés sur la Lune. Et donc les trois premiers vols ont eu de la quarantaine, après ils ont arrêté. Et donc c'était purement politique, et effectivement il y avait des illogismes, le fait de plonger au milieu de l'océan. Et donc bon, ça s'est fait comme ça. Vous confirmez qu'effectivement on a ouvert le hublot, on oui, a oui, bah, bien sûr, ils sont sortis sur un bateau, machin, etc. Ils ont salué tout le monde et puis ils sont rentrés dans la quarantaine. Il n'y avait pas un moyen de rentrer directement de la capsule dans le caisson. Voilà, il aurait fallu récupérer la capsule pour la mettre directement dans le caisson. Voilà, bon, etc. Bon. Et de toute façon, il aurait fallu stériliser le bord de la capsule et être sûr qu'il n'y ait pas une poussière lunaire qui ait pu être en contact. Bon, on était... Mais elle a eu chaud quand même, la capsule, au retour. Vous croyez que oui, des sports... Le bas a eu chaud, mais le haut, il n'a pas eu chaud. Le back shield, ce qu'on appelle le front shield, c'est-à-dire le bouclier thermique qui est en face et qui descend comme ça, il chauffe effectivement entre 700 et 1100 degrés. Bon, là, ça mais va. Le reste, il chauffe pas. Hein, ah, pas plus que ça. Okay. Donc, bon, point, c'était c'est quelque chose. En ce qui concerne Surveilleur... Alors, j'ai eu toutes les histoires. La dernière donc, Surveilleur, c'est la... Alors, la caméra de Surveilleur. Donc, les astronautes ont vu une caméra de Surveilleur. Ils ont atterri pas loin. Je ne me rappelle plus quelle était la mission. Ils ont coupé le câble. Ils l'ont ramené sur Terre sans plus de précautions. C'était une caméra qui était là depuis plusieurs mois. 4 ou 3, 4 ans, oui. Ah, Surveilleur, années, 3, Surveilleur 3, c'était un vieux truc. Hein. 3 mois seulement. Non, 3 ans. 3 ans. 3 ans, dit Jacques Arnaud. 3 ans, donc c'est déjà quelque chose de vieux. Donc ils ont coupé, ils l'ont mis dans la capsule, qui n'était pas plus stérile que ça, et puis ils l'ont ramené sur Terre. Et d'ailleurs, Surveilleur n'avait pas été stérilisé, hein. Il n'y avait pas de stérilisation des engins qui allaient vers la Lune à cette époque-là. Ils l'ont ramené, il y a quelqu'un qui a commencé à bidouiller dedans, et puis il a sorti 3 spores de bactéries en disant « ils viennent de là ». Bon. Là-dessus, pour des raisons diverses et variées, grand buzz, Et donc, trois histoires qui ont été racontées. Un, effectivement, c'est des bactéries lunaires. Bon, ça, c'est vite tombé à l'eau. Deux, c'est des bactéries qui ont... Dans l'océan Pacifique ou l'océan Atlantique, alors ? Bon, c'est... Oui, bon, c'est peut-être dans le Bourbon, hein, dans le Bourbon. La deuxième, c'était effectivement, les bactéries terrestres sont capables de résister aux terribles conditions lunaires. Bon... la troisième, c'est que effectivement, c'était une contamination pendant le retour, ce qui est tout à fait possible. Hein. Et la quatrième, qui est celle qui a été retenue par mes petits camarades de la protection planétaire avec lesquels je discute régulièrement, c'est que en fait, le chercheur qui avait fait la manip n'était pas si propre que ça, qu'il n'a jamais rien sorti de son laboratoire et que c'était probablement des bactéries qu'il avait sur les mains qui étaient tombées sur la caméra. Donc voilà, donc on en est à peu près là. En sachant quand même que je ne sais pas quelle est la bonne explication. En tout cas, c'est pas la première, c'est probablement pas la deuxième. Et que dans la chaîne entre la fabrication de la caméra jusqu'au retour dans le laboratoire de bactériologie, il n'y avait aucune étape stérile. Qu'on trouve des bactéries, c'est pas surprenant. Et que notamment, ce qui est surprenant, c'est que le plus probable, et là c'est vraiment après de l'interprétation, c'est que ça soit une contamination soit pendant le transport, soit dans le laboratoire. Mais ce qui est intéressant et surprenant, c'est que les conditions lunaires ont fait que c'était effectivement quasiment stérile, parce qu'ils ont trouvé que dans un petit endroit, alors que rien n'était stérile au départ. Donc voilà, donc surveilleur... On l'a évacué. La vraie question qui se pose, et là je vous la pose à vous, on envoie des hommes sur Mars. Ils reviennent. Ils sont 5. Allez, un Européen, un Chinois, un Russe, 2 Américains. Ils reviennent. Ah, il y a même des femmes au milieu. Allez. Et puis, 4 mois avant de revenir, il y en a un qui se sent mal et on ne sait pas ce que c'est. Aïe. Le deuxième, il se sent mal, on ne sait pas ce que c'est. Allez, ils vont pas mourir, mais il y en a un qui est vraiment très, très, très, très, très, très mal. Oula. Qu'est-ce qu'on fait? On les tue tous? Ça, c'est une question pour Jacques. Mais Jacques, chargé d'éthique au CNES, quelle est la réponse? Non, mais attention. Je répète depuis des années, donc je répète encore ce soir, que faire de l'éthique, ce n'est pas donner des réponses qui s'imposeraient comme ça d'elles-mêmes, mais c'est être capable déjà de poser ces questions. Et cette question, elle a été posée il y a au moins déjà une dizaine d'années au COSPAR, dans une session, par des Français, dont je faisais, en disant, voilà, la question des astronautes contaminés, à la limite contaminés, les pauvres, mais contaminants, parce que le problème, c'est quand on contamine les autres, ça, c'est une question qui devrait être posée dès aujourd'hui, enfin dès à présent, parce que on nous parle régulièrement qu'on va aller sur Mars, etc. Donc on ne sait toujours pas quand on ira et surtout pas quand on reviendra. Mais en tout cas, il s'agit effectivement de se poser cette question. Et cette question, elle n'a pas une réponse facile. Et c'est là qu'on revient aux questions que je posais en introduction, c'est-à-dire jusqu'à quel prix voulons-nous explorer l'univers, découvrir de la vie, enfin la question de tout ça. Et donc là, il y aura effectivement... Il faudra quand même se méfier, se dire, avant d'envoyer ces hommes et ces femmes de tous les continents et d'ailleurs, sur Mars, avec cette question, il faudra au moins avoir une réponse possible. Et pas la laisser. Jusqu'à présent, elle n'existe pas. Enfin, moi qui ai un comité secret au COSPAR qui est déjà résolu, en tout cas depuis 10 ans qu'elle a été posée. Que dit le COSPAR ? Est-ce que le COSPAR a une religion sur le sujet ? Le COSPAR, c'est donc cet organisme qui s'intéresse à la protection planétaire, c'est un organisme scientifique. Ah, d'abord, un organisme scientifique n'a pas de religion. Bon, soyons sérieux. Et je ne pense pas que ça soit du ressort du scientifique. C'est un problème qui trotte dans les... D'abord, nous sommes très loin de quelques programmes que ce soit d'envoyer et de récupérer, sérieusement, des astronautes vers Mars et de les récupérer au retour. Deuxièmement, ce problème, il est posé. Et la réponse... à ma connaissance, elle n'est pas apportée parce que je pense que même individuellement, chacun, au fond d'entre nous, on n'est pas capable de la donner. On ne sait pas s'il faut provoquer une fuite et un regrettable accident qui fait que la panne de moteur les a emportés quelque part autour du soleil, on ne sait où, et qu'on n'aura jamais sur Terre. Voilà, donc c'est vraiment la faute à pas de chance. Et, ou bien on accepte le risque parce qu'on donne une certaine valeur à la vie humaine et surtout à cette vie humaine, je dirais collective, à cette humanité que l'humanité a envoyé là-bas et qu'elle veut récupérer. Ça, c'est pour moi une véritable question éthique sur laquelle, je veux dire, on n'a pas de réponse, et celui qui apportera ou ceux qui apporteront la réponse à un moment donné, qui auront cette responsabilité-là, je pense que ce sera un groupe extrêmement restreint de personnes qui prendront des responsabilités dont on ne peut pas aujourd'hui préjuger de ce qu'ils pourront dire. Mais je veux dire, cet exercice de pensée, je le pose parce que c'est vraiment le problème de la protection planétaire. Alors quand on parle de cailloux, comme ça, c'est pas grave. Mais quand on parle d'exploration humaine avec des hommes qu'on va envoyer, ou des hommes et des femmes, bien entendu, et qu'on va rapatrier éventuellement sur Terre, s'il n'y a pas de problème, tout va bien, bien sûr. Mais s'il y a le moindre problème, et le fait qu'il y en ait deux, ça veut dire que c'est contagieux, probablement, c'est contaminant. Et si en plus de ça, c'est un qui n'est pas descendu sur Mars, qui a tendu en haut, alors vraiment, ça prouve que c'est contagieux. Qu'est-ce qu'on fait ? J'ai pas les éléments, j'ai des éléments de réflexion, mais j'ai pas de réponse. Ben, je vous passe le micro, hein. Il suffit de me faire signe. Michel, tu veux continuer ? Sur ce débat, il y a un certain nombre, non pas de réponses, mais d'idées qui viennent se greffer. Je suppose que les gens qui sont partisans de lancer cette fameuse mission dont le nom m'échappe, qui consistera à envoyer des gens en aller simple sur Mars One, voilà, c'est ça, vont prendre ça comme argument en disant que c'est un très bon projet, puisqu'au moins il ne met pas en danger l'humanité. Le deuxième argument, c'est le deuxième élément, c'est que pour les engins en question, comme ce sont pour des voyages qui ont un temps assez long compte tenu des techniques actuelles, on a un certain temps pour se poser la question le moment venu, parce que si ils sont restés un an et quelques sur Mars, puis voyage de retour, ça laisse une marge de manœuvre pour essayer de déterminer la nature de ce qui s'est passé. Et troisième chose, ce serait un argument de sécurité d'utiliser non pas un retour direct, mais un retour sur orbite, où il ne redescendrait pas directement sur Terre et où ça laisserait donc une période à déterminer pour faire une sorte de quarantaine spatiale avant le retour. Sachant qu'évidemment, ça peut être aussi tout simplement parce que le corned beef américain a été détérioré et les a tous intoxiqués au cours du vol, mais ça, c'est une autre question. Bon, Mars One. Il faut rappeler ce que c'est. Calme-toi, dit Jacques Arnoux. Mars One. Alors, on peut le voir de différentes façons, mais bon, moi, je le considère comme une escroquerie. Vous pouvez rappeler ce que c'est, Mars One ? Alors, Mars One, c'est une société qui a organisé un grand jeu planétaire en disant on va vous offrir un aller simple vers Mars et vous avez pour mission de coloniser Mars et de vivre sur place par vos propres moyens au bout d'un an. D'accord ? Et donc, pourquoi pas ? Donc, il y a 200 000 personnes qui ont versé leurs 20 euros pour ça, ou leurs 20 dollars. Et qui ont participé à des sélections. Et derrière, il y a eu un jeu de rôle, un jeu social qui s'est fait. Bon, il y a des gens qui se déguisent en cow-boy. Il y en a qui vivent comme au XVIe siècle. Il y a des gens qui jouent à Tarzan dans la jungle. Il y en a qui font des Mars Expedition dans l'Utah. Et il y en a qui se préparent à coloniser Mars. Bon, ça n'a aucune réalité parce que, pour tout un tas de raisons. Et je ne vais pas développer aujourd'hui, parce que ce n'est pas le thème, mais Mars n'est pas colonisable au sens où on l'entend. En tout cas, indépendamment de d'activités terrestres. Donc Mars One, ils peuvent se servir de tout ce qu'ils veulent. De toute façon, ce n'est pas possible et personne ne les autorisera à lancer quoi que ce soit vers Mars, parce que pour lancer un engin spatial, il faut une autorisation et cette autorisation, personne ne l'aura. On ne peut pas envoyer des gens au suicide, puisque les gens qui iront, ils sont morts. Si jamais un jour ils décident... Il n'y a aucun moyen prévu de retour sur Terre. Le but, c'est pas de... Ils ne peuvent pas revenir sur Terre. De toute façon, on est tous condamnés à mort. Mais eux, ils sont condamnés à mort à très court terme. Voilà. Donc, ce qui n'est pas généralement l'objectif... Donc, escroquerie, d'accord. Donc, ensuite... c'est une escroquerie. Donc, Mars One, on l'oublie. Ensuite, pour l'instant, la configuration d'un voyage martien avec retour, cette fois-ci, donc d'un voyage d'exploration organisé par des agences responsables... Et probablement dans un effort international, les gens en discutent. Hein, on en est encore qu'au stade du baratin quand même. On n'est pas vraiment au stade de la réalisation concrète. Mais on en parle et on émet des idées, ce qui est le propre de ce genre de choses. Hein, c'est une phase 0-0-0, c'est-à-dire vraiment tout est sur la table et puis on discute. Et c'est... déjà, on a quand même 6 mois, on a déjà presque 7 ou 8 mois de quarantaine quand on revient de Mars. Quand même, déjà le temps. se mettre... Il faut mettre quarantaine parce qu'il faut 7 ou 8 mois pour voyage pour revenir vers Mars. Donc déjà, on peut observer comment les choses se développent. Mais en biologie, l'incubation... Imaginons qu'il puisse y avoir un élément contaminant sur Mars qui contamine, par l'intermédiaire de poussière, des êtres humains qui reviennent sur Terre. Les temps d'incubation, ils sont variables. Hein, ça varie pour un matériel, dire quelque chose qui est contaminant. Hein, ça varie de quelques heures à 30 ans, 40 ans. Hein, même sans aller dans le prion. Hein, mais donc si on n'est pas capable de dire si quelqu'un va sur Mars. Même s'il revient sain sur Terre, on n'est pas capable de dire qu'il n'est pas contaminant. Ah oui, donc, la notion de quarantaine est une notion... c'était une notion pasteurienne mal digérée pour Apollo 11, 12 et 14. C'est, je vais quelque part, c'est contaminant, ça me rend malade et ça se voit tout de suite. La biologie moderne et les épisodes divers qu'on a eus avec les nouveaux virus, avec les Zika et même avec les bactéries... Hein, parce qu'il y a beaucoup des symptômes contaminés. On a des contaminations par des bactéries pathogènes. Eh bien, l'incubation, c'est-à-dire le temps entre la contamination et l'expression de symptômes, elle est indéterminable. Alors, pour une bactérie martienne, déjà que sur Terre, c'est pas facile, mais alors sur Mars, une bactérie martienne, c'est absolument indéterminable. Et donc, ça veut dire que si on envoie des gens vers Mars et qu'on les rapatrie sur la Terre, ça veut dire que on a tous les éléments pour être intimement convaincu qu'il n'y a pas de danger. D'où l'intérêt de rapporter des échantillons, de regarder ce qu'il y a dedans, de regarder soigneusement et d'être sûr qu'il ne peut pas y avoir une vie de type bactérien qui puisse être développée sur Mars. Monsieur. Oui, merci. Déjà, vous avez posé une question tout à l'heure et un élément de réponse, je ne suis pas du tout expert en la matière, hein, je suis tout à fait néophyte, mais est-ce que ce ne serait pas plutôt... les radiations cosmiques ou solaires qui rendraient les astronautes malades pendant le trajet aller et retour. Peut-être que c'est ça qui expliquerait qu'il y ait deux ou trois personnes qui deviennent malades, voire très malades. Ça me paraît une possibilité. Et la question que j'ai pour vous, c'est qu'en fait, je suis en train de lire un livre qui s'appelle The Case for Mars de Bob Zubrin. Je ne sais pas si vous connaissez ou c'est le fondateur de la Mars Society. Et lui, son argument, il dit que c'est pas possible que des bactéries puissent infecter des hommes, parce que sur Terre, les bactéries évoluent, ou les microbes évoluent avec les hommes. C'est-à-dire que la bactérie devient de plus en plus... infecte de plus en plus l'homme, qui lui va se défendre, et ses capacités de défense vont augmenter pour contrer les bactéries qui vont à leur tour augmenter. Et donc en fait, elles évoluent au fur et à mesure... Mais bon, sur Mars, il n'y a pas de bactéries qui puissent contaminer l'homme à cause de ça. Les bactéries martiennes n'ayant jamais vu d'homme, elles ne peuvent pas le contaminer, elles n'ont pas évolué avec lui, elles ne le connaissent pas, elles ne sont pas adaptées à lui. Alors d'abord, l'aspect des radiations, le problème, oui, normalement, on va prendre en compte le risque de radiation, etc. Et donc les gens vont être, le vaisseau spatial va assurer une protection contre ce genre de choses. Mais quoi qu'il arrive... Il y a des boucliers qui sont prévus. Oui, il y a des boucliers, on ne sait pas les faire, mais on en prévoit. Voilà. On sait qu'il faut les faire. On ne sait pas à quoi ils vont ressembler. Mais il y a des recherches, justement, c'est pour ça qu'on travaille. On travaille pour faire des recherches et construire justement ce genre de choses et pouvoir apporter un certain nombre de protections qui n'existent pas actuellement. Donc, tout peut rendre malade. Ça peut être simplement une bonne diarrhée, toute bête, qui est liée à une bactérie, une entérobactérie de base. Mais dans le voyage de retour, personne n'a les moyens de dire que c'est vraiment qu'un truc tout simple et tout bête. Le problème, c'est l'incertitude. Si on est sûr que c'est les radiations ou une bactérie terrestre, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est l'incertitude. Des symptômes un peu flous. Il y a des gens, je me sens mal. Bah oui, et alors? Et c'est ça le problème. Bah, s'il est mort, il est mort. Hein. S'il a la peste, il aura la peste. Si c'est une crise cardiaque, il y aura une crise cardiaque. Mais on ne va pas faire une autopsie en microgravité d'un astronaute qui est mort pendant le vol. Ce n'est pas possible. Je veux dire. Donc il y aura des questions. On n'a pas les réponses à ces choses-là. Ensuite, Marc Zubrin, que je connais assez bien, parce qu'on s'est déjà empaillé. Écharpé. il a le droit de dire « Ouais, il n'y a pas de coévolution, donc ce n'est pas possible ». Moi, qui, quand j'étais petit, ai travaillé comme vétérinaire et qui ai travaillé avec des veaux, des vaches et des cochons, et qui ait travaillé dans des laboratoires de bactériaux et de viraux, moi, je ne serais jamais aussi affirmatif. Moi, actuellement, mon argument, c'est de dire, compte tenu de ce que l'on connaît de la vie, de l'apparition, de l'émergence de la vie sur Terre, de ce que l'on comprend à travers les travaux de gens comme Axel, par exemple, et ce qu'on connaît de la situation de Mars, il semble très très difficile qu'il y ait actuellement des formes de vie actives à la surface de Mars. Il y a peut-être eu un démarrage à un moment donné avec des formes très primitives, allant même peut-être jusqu'à l'individu, c'est-à-dire à la formation d'une bactérie. C'est pas impossible ça. Mais compte tenu des sulfates, des radiations, machin, etc., etc., ça semble impossible qu'il y ait actuellement une vie active. Je ne peux pas en être absolument sûr, c'est pour la raison pour laquelle on prend des précautions quand on rapporte des échantillons, mais on estime que la probabilité est très faible. Cette probabilité, pourtant, est très faible, mais on la prend en compte. Que cette vie soit contaminante pour une forme de vie terrestre, c'est très, très, très, très improbable. Mais je ne peux pas dire zéro. Et parce que je fais partie d'un organisme responsable et que je suis moi-même responsable intellectuellement, je dis, comme ce n'est pas zéro, je ne peux pas mettre mes petits camarades dans le risque. Donc je vais prendre toutes les précautions comme si le risque était avéré. Même s'il est infinitésimal, et pour moi il est nul, mais je ne peux pas dire que c'est nul. Je ne peux pas le montrer surtout. Et c'est encore un point de débat avec mes amis américains qui ont dit... On doit considérer les échantillons comme dangereux tant qu'on n'a pas prouvé qu'ils ne l'étaient pas. Or, pour moi, c'est une phrase qui n'a pas de sens sur le plan scientifique, parce que scientifiquement, on ne peut pas prouver quelque chose de négatif. On ne peut pas prouver quelque chose qui n'existe pas, voilà. En science. Je ne peux pas prouver que quelque chose même qui existe. Enfin, une chose est censée ne pas, enfin, peut exister jusqu'à ce que j'ai montré qu'elle existait. Si, quand j'ai pris un grand nombre de précautions, un grand nombre d'analyses, etc., etc., j'ai fait tout ce qui était possible pour montrer que ça existait et je n'ai pas vu que ça existait, je dis, je pense qu'actuellement, cette chose n'existe probablement pas. Et que, avec les moyens que j'ai mis en œuvre, je n'ai pas pu la mettre en évidence. Alors, suivant les moyens, je dis, bah, franchement, oui. C'est comme. Quand on plonge dans une piscine, on sait que c'est une soupe à bactéries, tant que les gens ressortent vivants et pas avec des boutons partout, on saute avec et on se dit elle est probablement pas trop dangereuse. Pourtant, on sait qu'il y en a. Hein. Damien Loiseau, on peut s'intéresser avec vous à la question de ces choix de sites dont vous parliez. Vous avez participé pour ExoMars, pour Mars 2020, justement, au choix des sites d'atterrissage. Comment est-ce qu'on choisit un site et quel est le genre de raisonnement qu'on met en œuvre pour se dire là on va pas y aller parce que peut-être on pourrait être contaminant, là c'est dangereux, là c'est pas dangereux. Alors pour choisir un site, on a deux choses qu'on nous demande. C'est d'abord la mission, elle a un but scientifique, donc on va essayer de choisir un site qui correspond bien à ce but. Et puis la mission... Par exemple, ExoMars, qui justement s'intéresse à la vie. Donc, on veut aller dans des endroits où il y a eu de la vie par le passé, quand même. Voilà. Donc, par exemple, on va essayer de trouver des endroits où il y a eu de l'eau liquide, où on a des sédiments qui ont pu préserver des traces de vie passée, si on a bien eu, concentrer, préserver, voilà, pour qu'on puisse aller les trouver facilement. On se dit, là, il y a eu de l'eau dans le passé, on peut y aller avec ExoMars. ExoMars, il faut rappeler, c'est un rover, donc un engin à roues ouais. Automatisé. On le voit là aussi en page numéro 2, hein, c'est lui qui est en grand sur la droite. Et lui, en plus, il va forer. Il va faire un forage en profondeur. Il va 2 mètres, normalement. Il va aller jusqu'à 2 mètres de profondeur. Alors justement, on parlait des radiations qui pourront être un problème pour les astronautes. Ça pourrait être aussi un problème pour des traces de vie et même un problème pour des traces de vie passées, donc juste des molécules organiques par exemple, elles vont être dégradées par les radiations, dégradées aussi par l'atmosphère. On va avoir un petit peu d'oxydation qui vont dégrader les molécules organiques. Donc dans les premiers centimètres de roche sur la planète Mars, On pense que sur des milliards d'années, on peut très facilement dégrader complètement toute molécule organique. Dégrader, c'est-à-dire détruire. Et une molécule organique, ce sont les molécules qui constituent le vivant. Voilà. Ouais. Et du coup, si jamais on a pu, à un moment, préserver dans ces roches des molécules organiques liées au vivant, elles seraient complètement... Enfin, elles ne seraient plus du tout existantes et on ne pourrait plus reconnaître aucune molécule organique qui serait liée à une trace de vie passée. Du coup, on va creuser jusqu'à 2 mètres. Et plus que ça même, on va essayer d'aller dans des endroits avec des roches vieilles, mais qui ont été préservées donc, pendant longtemps, donc qui ont été sous d'autres sédiments ou des coulées de lave, par exemple, qui auraient pu être érodées assez récemment. Et du coup, avoir des roches qui sont à la surface depuis pas très longtemps, justement, pour limiter cet aspect. Donc ça, c'est l'aspect scientifique pour chercher... Et puis, on a, du coup, la protection planétaire qui nous dit aussi des endroits où on ne peut pas aller. Et actuellement, les endroits où on ne peut pas aller, c'est des endroits où il y a de l'eau. Alors, l'eau, pour le moment, c'est de la glace. Donc on va essayer sur Mars, tout, elle est pas liquide, hein, mais voilà. Donc on a des endroits où on a de la glace. Alors près des pôles, on a des gros réservoirs de glace d'eau, même assez pure. Et puis des endroits où on peut avoir des dépôts de glace saisonniers, par exemple. On va essayer d'éviter ça. On a vu des endroits où on peut avoir des petits écoulements de toute petite quantité de saumure, éventuellement. Alors, saumure, c'est quand même de l'eau liquide, mais très chargée en sel. Très, très chargée en sel, saturée en sel. Bon, ça reste encore un modèle, et c'est des quantités infinitésimales de liquide. Qui ne dure pas longtemps. Et qui ne dure pas longtemps, en plus, voilà. Bon, mais quand même, on nous demande... Enfin, a priori, il semble qu'il y en ait de l'eau liquide, des écoulements intermittents. Alors, c'est pas des écoulements intermittents. Il y a une humidification intermittente avec de l'eau salée, du sable, du régolithe pour l'employer. Bon, grosso modo, du sable qui recouvre Mars. Mais il n'y a pas de cascade d'eau. Non. D'accord. Et quand on dit il y a de l'eau liquide qui coule, c'est pas de l'eau liquide qui coule, c'est simplement une imbibition par capillarité éventuelle. Et on n'est pas sûr. Il y a des gens qui estiment que ça peut être du gaz carbonique, hein, du CO2. Donc pour l'instant, l'hypothèse qui fait jaser, c'est ah, il y a eu de l'eau, etc. Donc c'est de l'eau surchargée en sel et donc qui peut effectivement humecter et rester un certain temps, laisser une trace par capillarité. Et donc les forces qui la lient au grain de sable sont supérieures aux forces d'évaporation, au mouvement thermique, d'autant plus qu'il fait froid, et donc ça donne ces aspects, ces colonnes noires, enfin noires foncées, disons, qui ressemblent à du sable mouillé. Mais c'est mouillé par-dessous et pas par-dessus. D'accord. Donc ça peut aider le sable à couler à certains endroits. Donc les écoulements qu'on voit, c'est du sable qui coule. D'accord. Et on se dit qu'il doit être aidé par l'humidification, voilà. D'accord. Du coup, ça nous laisse pas mal de sites qui nous intéressent. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas aller n'importe où non plus. La mission, voilà, elle a un certain design, voilà. et elle veut durer un certain temps. Du coup, on ne peut pas aller trop près du pôle Nord ou du pôle Sud, par exemple, parce qu'il va faire trop froid en hiver. Et donc, si on veut une mission qui dure assez longtemps, c'est impossible d'y accéder. On veut pouvoir atterrir. Et pour ça, souvent, on a besoin de grands endroits assez plats. Du coup, tout ce qui est terrain accidenté, ça va être hors d'accès. Banni. Voilà. On atterrit avec un parachute et pour ralentir la sonde de façon assez efficace, il faut qu'on traverse une atmosphère assez épaisse. Donc tout ce qui est trop haut en altitude, c'est inaccessible aussi. Donc voilà, ça élimine pas mal d'endroits. Pas mal de contraintes, ouais. Et à la fin, il nous reste quelques endroits quand même assez intéressants. Oui, bonsoir. Vous avez beaucoup abordé le risque éthique et le risque de contamination extraterrestre vers terrestre. Mais quand on conçoit une mission spatiale aujourd'hui, on a aussi... il y a des contraintes techniques. Donc, surtout si on essaie de chercher de la vie, on parle beaucoup d'ExoMars, là. Donc il faut que l'instrument soit propre s'il veut détecter une forme de vie. Mais au-delà des instruments qui essayent de détecter des formes de vie, quand on conçoit un instrument, on a des aspects et des contraintes qui sont juridiques derrière, sur la contamination. Et voilà, donc vous n'avez pas trop abordé cet aspect juridique au niveau du droit national ou du droit international. Et j'aimerais bien que ce soit un peu discuté Moi, je m'y colle, allez. Donc, d'abord, il n'y a pas d'obligation internationale. Il se trouve que dans un monde que les moins de 20 ans n'ont pas connu, et même les moins de 40 ans n'ont pas connu, il y a eu ce qu'on appelle un traité de l'espace, ou Outer Space Treaty, qui a été signé qui a été ratifié à l'ONU en 1967. Et en 1967, c'était le moment où il y avait deux blocs qui s'affrontaient. Et donc, et c'était le début de l'exploration spatiale. Et les uns et les autres ne voulaient pas qu'on mette des saletés sur la Lune ou ailleurs pour empêcher les autres d'y aller. Et puis qu'on dise en prenant les ramenant et en les faisant tomber par hasard chez le voisin, en disant « Ah, ben, c'est pas de chance, mais c'était vraiment un microbe lunaire qui est tombé chez vous. » Donc, alors là, il faut que vous arrêtiez une seconde, parce que c'est vraiment une autre époque, un autre monde. Et il faut que vous réexpliquiez exactement la raison pour laquelle les États-Unis et l'URSS ont réussi à se mettre d'accord. Alors, eux, on était en pleine guerre froide, mais il y avait des craintes vraiment que l'un empoisonne, si je puis dire, des sites pour empêcher l'autre d'y accéder. C'est ça. Alors, la première crainte, c'était un à côté, mais c'est ce qui a fait l'article 9 du traité de l'espace. Mais l'article 1, c'était que c'est l'exploration, l'utilisation pacifique de l'espace, l'utilisation peaceful use of space. Et le but, c'était d'éviter qu'on mette des bombes atomiques n'importe où autour de la Terre, parce que bon, on a beau maîtriser parfaitement la technique, on n'est pas sûr de l'endroit où elle retombe, surtout au bout d'un temps certain ou d'un certain temps. Donc, ils ont voulu démilitariser l'espace, c'est-à-dire qu'on pouvait envoyer des satellites espions, etc., mais pas mettre des armes dans l'espace. Et ils ne voulaient pas que l'on puisse s'approprier des objets spatiaux, des corps célestes, pour dire ça, c'est la Lune est russe, Mars est américain, etc., etc. Donc, on était dans une optique Il y avait un conflit sur Terre, latent, permanent, froid en général, mais chaud dans pas mal d'endroits quand même, hein, à cette époque-là. Et donc, c'est vraiment le début de. Vraiment, l'accord qui a mis en place l'utilisation pacifique de l'espace. Et donc, une des craintes, c'était effectivement soit qu'on contamine les saletés pour s'en débarrasser, ou simplement pour empêcher les autres d'y aller. Si moi je ne suis pas capable d'envoyer des hommes sur la Lune, j'y mets le choléra, la peste bubonique et la diarrhée verte, et là je suis sûr qu'ils ne pourront pas y aller. Voilà. Donc on voulait éviter ça. Enfin, ils voulaient. Moi j'étais né, mais je n'étais pas partie prenante des discussions. Pas encore. Donc, ils ont pris ça, et ce traité donc, donne une recommandation donc, d'éviter de contaminer les corps célestes vers lesquels on va, et surtout de recontaminer la Terre quand on en revient. À partir de ça, le Committee for Space Research s'est saisi de ça pour émettre des recommandations. Mais ce n'est pas inscrit dans la loi. Par contre, il y a un certain nombre de pays, comme les États-Unis, la France, l'Agence spatiale européenne sous un mode différent, qui ont dit dans leur loi spatiale que les recommandations du SCOSPAR faisaient loi. Et donc, c'est devenu une loi locale qui s'applique localement. Hein ? Et donc, les États-Unis font très attention. La France, y fait un peu attention, bien qu'on soit toujours avec l'ESA pratiquement ou avec les États-Unis. Et donc, ces obligations, elles sont relativement indirectes. Mais on prend des précautions. On ne fait pas n'importe quoi, hein, loin de là. Et les sondes martiennes... Actuellement, il faut voir que sur une mission comme ExoMars, qui est chiffrée à... Aujourd'hui, 1,2 milliard d'euros, par exemple, la protection planétaire doit au moins compter pour 15%, c'est-à-dire pas loin de 200 millions d'euros quand même. Ce ne sont pas des mots en l'air. C'est du nettoyage, ça, le 15%? C'est les précautions, ouais. Le nettoyage, être sûr qu'on ne recontamine pas en envoyant les choses à Baïkonour, que quand on lance à travers l'atmosphère, ça ne se recontamine pas, etc. Donc, c'est vraiment c'est de l'ingénierie. C'est des choix de matériaux, c'est des précautions pour le transport, parce qu'on travaille avec on ne stérilise que des choses propres. Donc il faut que ça soit, propre, 2, nettoyé, 3, stérilisé, 4, gardé propre, 5, envoyé propre. Voilà. Et donc tout ça, ça coûte cher. Jacques Arnoux. Oui, alors je ne suis pas certain que dans le traité de l'espace, ça soit aussi précis sur la contamination. C'est l'interprétation que font les juristes qui sont interrogés par les scientifiques pour dire est-ce qu'il y a dans les traités de l'espace des choses qui nous concernent. Et c'est vrai qu'à partir de cette interprétation de juristes un peu pointilleux, on arrive effectivement à élaborer ce que Michel expliquait, donc des lois, des règlements qui, étant passés par le COSPAR, sont à ce moment-là appliqués par les États qui acceptent à travers les Nations Unies ou autre chose. Moi, ce que je trouve un peu... à la fois intéressant et dommage, c'est que on a un très bel exemple ce soir de tout ce que la science de l'espace a pu apporter aux sciences de la Terre. Vous travaillez sur des formes de vie, donc comme il y a pu en avoir il y a des milliards d'années, parce que vous êtes interrogé par des collègues qui, eux, s'intéressent à des formes qui aujourd'hui existaient sur Mars. Et c'est cette espèce de cercle vertueux hein, de la recherche qui, s'interrogeant sur la possibilité de trouver de la vie ailleurs, va mieux chercher, va casser des cailloux sur Terre dans des conditions un peu particulières. Et on repart vers Mars avec, en se disant, bah, tiens, si on a pour la manière de détecter sur Terre, est-ce qu'on pourra l'appliquer sur Mars ? Et nous voilà repartis dans un cercle intéressant qui est donc le cas au niveau scientifique, mais qui pourrait être aussi dans le cas de l'interrogation juridique et éthique. Parce que là, on est en train de s'interroger sur la contamination d'une planète lointaine ou la contamination possible de la Terre dans un délai extrêmement lointain, des conditions tout à fait particulières. Et de fait, aujourd'hui, sur Terre, dans bien des pratiques, on se pose beaucoup moins de questions sur la dangerosité d'un certain nombre de nos pratiques, d'un certain nombre de travaux et de recherches. Donc je trouve que du point de vue du débat éthique, il faut garder aussi pied sur terre. Et que dire que ce qui est intéressant, c'est que les questions qu'on se pose là en ce moment d'une manière un peu extraterrestre, dans quelle mesure, dans nos sociétés, sommes-nous capables de débattre dans les mêmes termes ? Quand je parlais des limites hein, de la recherche spatiale, coûte que coûte, au prix, effectivement, d'envoyer des astronautes et en n'étant pas sûr qu'on les ramènerait sur Terre, ou pour les garder vivants, on les laisserait un peu un temps en orbite. Bon, ben voilà des questions qu'on pourrait aussi poser sur des questions beaucoup plus terrestres. Donc ne croyons pas que ces questions-là soient totalement fumeuses, spatiales. Je crois qu'elles ont aussi des réalités tout à fait terrestres aujourd'hui. Quand il était petit, Michel Vizot a beaucoup travaillé avec les veaux, devenu spécialiste de l'exobiologie. Aujourd'hui, il cherche l'eau à travers l'univers, les corps spatiaux. Faisons le vœu qu'un jour, il prenne la photo d'un extraterrestre charmant petit veau. Oui, j'ai encore une petite question. Vous disiez que la probabilité de trouver donc la vie sous forme de bactéries sur Mars à la surface est extrêmement faible, vous disiez, due aux radiations, si je comprends bien. Est-ce que c'est possible de trouver la vie sur Mars en souterrain ? Si je comprends bien, il y a de grandes masses d'eau souterraine, peut-être, et peut-être aux bonnes températures. Est-ce que vous pensez que c'est possible ? Et si oui, est-ce qu'il y a des missions futures qui sont destinées à creuser sur des dizaines, voire des centaines de mètres ? Alors, ouais, déjà, on va essayer de creuser avec ExoMars jusqu'à 2 mètres de profondeur. Et je disais déjà aller chercher des endroits qui sont à la surface depuis pas trop longtemps pour éviter ces phénomènes d'échange avec l'atmosphère et de radiation. Après, en souterrain, alors, est-ce qu'on a de l'eau, du coup, de l'eau liquide en souterrain ? On a cherché, on sait qu'on a des grandes masses de glace près des pôles. Du coup, on se dit, il y en a dans le sol aussi, très certainement, et du coup, peut-être qu'à une certaine profondeur, là où la température est assez élevée, on pourra avoir de l'eau liquide. Donc en profondeur, surtout près des pôles. On a avec Mars Express, donc une mission européenne qui a été envoyée en 2003, je crois. C'est un satellite autour de Mars. Voilà, donc c'est un satellite autour de Mars. Européen. Il a trois grandes antennes qui émettent une onde radar, qui pénètrent dans la croûte martienne, qui éventuellement sont réfléchies par un quelconque réflecteur et qui peuvent revenir et qui sont récupérées par la sonde. Et donc on cherchait une transition entre de la glace et de l'eau liquide, ça aurait pu être un réflecteur, et on ne l'a jamais trouvé. Alors, l'onde, elle peut pénétrer, donc l'onde de Mars 6, c'est cet instrument, ce radar sur Mars Express, Elle peut pénétrer jusqu'à plusieurs kilomètres de profondeur. Surtout aux endroits où on a de la glace, on pense qu'on peut pénétrer jusqu'à 3 km, il me semble, même plus. Mais on n'a pas vu cette transition entre de la glace et de l'eau liquide. Du coup, aucune preuve directe qu'on a de l'eau liquide quelque part dans la route de Mars. Il y en a eu dans le passé. De l'eau liquide. De l'eau liquide, ça c'est sûr, parce qu'on observe... Donc on a des cratères d'impact, des gros cratères d'impact qui ont excavé la croûte jusqu'à plusieurs kilomètres de profondeur. Et on sait qu'à des endroits, on a des argiles par exemple, donc des minéraux qui ont été formés avec de l'eau liquide en profondeur. Donc on sait qu'on avait de l'eau liquide en profondeur sur Mars. Donc ça peut être des endroits où on pourra aller chercher des traces de vie passées. Alors après c'est assez difficile, comme je disais tout à l'heure, on aime bien pouvoir atterrir des grands endroits bien plats et des fonds de cratères, c'est pas forcément l'endroit le plus facile. D'accord. Mais voilà. Allez, par contre aujourd'hui, donc oui, si on imagine de la vie aujourd'hui sur Mars, faudrait sûrement aller chercher en profondeur de la vie actuelle, à vivante. Voilà, vivante. Ouais. Frétillante. Et si on cherche des traces de vie passée qui sont formées en profondeur, aller chercher au fond de cratères d'impact. Axel Hubert, on va continuer avec vous, votre aventure, parce qu'avec vous, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on voit comment est-ce que des scientifiques s'y prennent pour essayer de voir à quoi pouvaient ressembler les bactéries primitives. Donc on va peut-être passer à la page numéro 2. Donc voilà, on vous a quitté en Afrique du Sud avec votre masse. Et donc, vous avez récupéré des gros blocs. On voit la roche à l'affleurement sur le terrain. Ça, c'est l'image A. Et puis ensuite, ah oui, bah c'est le numéro 2, hein. C'est le numéro 2. Numéro 2, ça s'appelle de retour au laboratoire. Hein. Alors, continuez. Il faut que vous l'ayez oui, devant vous, là. Je l'ai là. Je vais faire très rapide. En fait, là, j'avais décrit voilà, ce qui se passe entre le moment où on revient avec les roches au labo et comment on fait pour trouver, pour caractériser vraiment chimiquement et à des échelles microscopiques, c'est le cas de le dire, donc à l'échelle du micron. Nos potentiels fossiles de bactéries qui deviennent en fait des fossiles de bactéries. Ils ne sont plus potentiellement des fossiles. Après, on arrive à savoir que c'est effectivement des bactéries. Et puis, il faut les trouver, là, vos bactéries c'est dans ça. Vos échantillons de roches. C'est ça. Donc, je vais faire très rapide. On part du terrain avec des échantillons de roches qui tiennent dans la main et on va essayer de descendre en échelle en termes de préparation d'échantillons et d'analyse ensuite. On va essayer de descendre en échelle jusqu'à identifier des structures, donc soit des colonies bactériennes, donc sous forme de tapis ou sous forme d'amas de matière organique, soit des bactéries, des cellules de bactéries individuelles préservées dans ces roches. Donc là, il y a un travail de coupe et de recoupe et de re-recoupe qui se refait jusqu'à arriver à l'échelle du centimètre, du millimètre. Et ensuite, on va, quand on identifie des choses comme ça, on va aller donc après page 3, page 4. Attends, on va rester page 2, une seconde. En fait, je voulais faire plus mais rapide. Mais je vois, vous avez voulu faire. Mais moi, j'ai envie qu'on aille lentement. Pour expliquer que voilà, c'est juste ça. Le principal, c'est qu'on descend en échelle. Voilà. Parce et, qu'on ça, va chercher, et ça, ça on peut être résumé en deux phrases, mais ça peut prendre 3 à 30 ans. Voilà, c'est ça. Cherche la petite bête. On cherche la petite bête. Voilà. Alors, on va voir si on la trouve. Donc, B, voilà, échantillon. Donc, toujours sur la page qui est indiquée numéro 2, qui s'appelle numéro 2, là, dans un carré en haut à gauche. L'image B, c'est échantillon prélevé sur le terrain. Voilà. En C, morceau de la roche échantillonné sur le terrain, ce que vous appelez sucre de roche. Et là, on voit vraiment qu'on est beaucoup plus petit. Hein, c'est l'échelle, on a la pièce d'un euro. Mm-hmm. Et puis ensuite, vous faites à partir de ça des lames minces de roche qui font 30 microns d'épaisseur, c'est-à-dire 30 millièmes de millimètre. Hein, c'est extrêmement... extrêmement fin, donc on en voit, il y en a plusieurs exemples là, et tout ça vous pouvez les étudier au microscope optique dont vous cherchez les structures intéressantes là où il peut y avoir des bactéries, hein, là toujours. C'est ça, on fait des petites tranches dans nos sédiments et puis très fines pour pouvoir les observer en lumière transmise au microscope. D'accord. Et on cherche des structures qui ressembleraient à de la matière organique, donc forcément très dégradée vu l'âge. Mais à de la matière organique et qui aurait des formes soit de tapis bactériens, soit de colonies bactériennes en forme de petits tas, soit de carrément, de, si on a du bol, de cellules bactériennes préservées. Carrément une petite, un petit fossile de bactéries. Une après. Alors, on va aller justement la page juste après. Donc, elle s'intitule numéro 3. Hein, le numéro 3 est écrit en haut à gauche. Recherche de microfossiles au microscope optique. Donc, on voit bien le microscope optique. Et là, il y a deux possibilités. Alors, il y a la possibilité du haut, il y a la possibilité du bas. Donc là aussi, hein, j'ai noté les images A, B, C, D. Est-ce que vous pouvez nous commenter A, B et puis C, D ? Oui, donc en fait, ça, c'est en haut et en bas, c'est deux échantillons différents, mais du même type. Hein, donc un sédiment de type plage dans lequel on a fait plusieurs coupes, plusieurs lames minces pour les étudier au microscope. Un sédiment de type plage, c'est-à-dire que normalement, ça devait être il y a longtemps. Comme aujourd'hui, du sable qui s'empile, des couches de sable qui s'empilent. Et souvent même, et c'est ça qu'on va aller chercher dans nos roches sur le terrain, on voit encore des rides de courant comme on voit aujourd'hui sur la plage, des rites de courant fossiles. Oui, incroyable. Donc on va aller chercher des choses comme ça, puisqu'aujourd'hui encore, on a des tapis bactériens qui se développent sur la plage. Quand ça reste un peu humide, on a des tapis bactériens qui se développent. Donc c'est ça qu'on cherche aussi, nous, mais à 3 milliards d'années. D'accord. Là, on est à 3 milliards d'années, 3,33 c'est milliards ça. D'années, d'accord. Donc oui, par exemple, donc vous voyez un tapis microbien fossile, là, c'est ce qui est écrit en rouge là, dans l'image A. Donc, faut avoir de l'imagination au début, mais après, on s'y fait. Mais et ça se voit à l'œil. C'est à l'œil que vous déterminez. Oui, à l'œil au microscope. Ça, c'est un tapis. Oui, c'est ce que je veux dire. Tapis microbien, donc il doit y avoir plein de microbes là-dedans. Et alors, quand on regarde, on fait un agrandissement là, en B. Mm-hmm. Et alors, qu'est-ce qu'on trouve ? Eh bien, rien du tout. Ah, zut. En fait, c'est bien de la matière organique, c'est bien de la matière organique d'origine biologique, ça on fait des analyses pour s'en assurer. Le problème, c'est que là, celui-là a 3,33 milliards d'années, et c'est plus que de la matière organique diffuse, qui a été donc dégradée chimiquement et puis aussi mécaniquement, parce que la roche a été compressée par un petit peu. La compression, oui. Voilà, un petit peu, par contre. Donc tout est détruit, en réalité. Ce qui pourrait être caractéristique de quelque chose de vivant. Les structures sont détruites, en tout cas. La structure du tapis reste, des biofilms. D'accord. En dessous, on a la structure de la bactérie dans une roche un peu plus jeune, donc 1,8 milliard d'années. On a encore la structure de la bactérie. On n'y est pas encore. Mais la matière organique à l'intérieur a perdu. Alors, donc, ça, c'était l'échantillon numéro 1. Et puis, en dessous, on a le deuxième échantillon. Donc, on a aussi un tapis microbien fossile. Hein, c'est ce qu'on va en C. Oui, c'est simplifié. Donc là, encore un peu d'espoir. Est-ce qu'on va trouver une belle bactérie ? Dans ce lac, il y en avait beaucoup. Je vous en ai mis qu'une, mais il y en avait beaucoup plus déjà. Alors c'est en D, là. C'est l'image numéro D. C'est magnifique, cette petite sphère là. Vous êtes heureuse quand on voit ça ? Quand on passe des années à regarder ce qu'il y a en B, on est content de trouver ce qu'il y a en D. Mais c'est ce qui se passe. Je vous assure. C'est intéressant qu'on se rende compte de ce que ça signifie, cette image D là. Oui. Pour vous, elle est. Vous êtes content quand pour vous moi, c'est magnifique parce que c'est une bactérie qui a presque 2 milliards d'années et qui est encore très bien préservée. On voit même, c'est pas très net, on voit même la paroi de la bactérie. Ouais. Donc on voit l'intérieur de la bactérie. On voit deux petits cercles. C'est la paroi, en fait. Ah, donc ça nous permet après de faire des analyses plus pointues et de voir quels éléments chimiques se trouvent là-dedans, à part carbone, hydrogène, oxygène, azote, qui sont normalement les composés primaires de la matière organique et qui, eux, ne nous permettent plus de caractériser ces bactéries, puisque c'est trop, la matière organique elle-même est trop dégradée. Donc mais ce sont il y a un noyau là-dedans, on le voit encore, le noyau ou non. Pas non, non, c'est une question. Il n'y a pas de pardon. Non. C'est des cellules, non. Il n'y a pas de noyau dans les bactéries. Il n'y a pas de noyau dans les bactéries. C'est voilà. Ça. C'est pas la définition d'une bactérie. C'est la définition d'une bactérie. Voilà. Ce qu'on appelle les prokaryotes. C'est clair, je crois que c'est bon. Voilà. Bon. Là. Alors, on va aller on va passer vite. Hein, un voile pudique. Donc, l'image d'après, c'est l'image numéro 4. Étude de la composition des microstructures identifiées. Donc là, alors j'ai passé une étape. Il y a une étape où vous vous assurez qu'il reste du carbone à l'intérieur de la bactérie. Vous êtes comme ça, c'est sûr que c'est de la matière organique. Parce que la matière organique est construite sur le carbone. Donc, on est sûr que c'est une bactérie. Et là... c'est l'étape numéro 4, étude de la composition des microstructures identifiées. C'est-à-dire qu'on peut aller encore plus loin. On peut aller encore plus loin, voilà. On va analyser finalement la bactérie maintenant qu'on l'a trouvée. Alors qu'est-ce qu'on fait là ? Qu'est-ce qu'on fait ? Les images d'avant, on était à l'échelle du millimètre ou de la centaine de micromètres. On étudiait ça en optique avec des techniques d'analyse au niveau moléculaire. Une fois qu'on a identifié ce genre de structure, on va faire encore une petite coupe à l'intérieur, un petit échantillon de... Je sais pas moi, 10-15 microns de côté, c'est ce qu'on voit là en noir et blanc. On va refaire une coupe dans ces structures. Gauche, hein, ouais. Oui, en bas à gauche. Bon, là, en bas à gauche, c'est déjà une cartographie du carbone. Mais... Et on va emmener ça, par exemple, sur avec des techniques analytiques encore plus poussées, encore plus puissantes. Donc, typiquement, les analyses de fluorescence des rayons X au synchrotron, qui nous permettent de faire des cartes des éléments présents et d'étudier leur distribution. Bon, là, c'est un tapis bactérien qui a été cartographié, ce qu'on voit ici. Mais on a fait la même chose avec la petite bactérie sphérique que je vous ai montré juste avant. D'accord. Donc, on a notre section qui fait quelques microns. Là, on voit 5 microns, la taille que ça fait. Donc, ça doit faire une vingtaine de microns, quelque chose comme ça. Et ce petit truc absolument minusculissime, on le met dans une énorme machine qui est un synchrotron. Et alors, il y en a un à Grenoble, il y en a un sur le plateau de Saclay, près de Paris. Et alors, qu'est-ce que c'est exactement un synchrotron ? C'est quoi le principe ? On peut voir ça comme un immense microscope, comme le microscope optique que je vous ai montré juste avant. Sauf que là, on n'utilise pas la lumière visible pour traverser notre échantillon et étudier les structures. Là, on va utiliser des rayons X pour étudier la composition de l'échantillon qu'on passe sous le faisceau. Donc un synchrotron, c'est fabrique énormément de rayons X et bombarde avec des rayons X minuscules échantillons. On voit le synchrotron là, dans un synchrotron, il y a plusieurs outils. Oui, il y a plusieurs outils. Voilà. Là, vous bombardez avec des rayons X et voilà les images en bas en bleu et vert là qu'on obtient. Est-ce que vous pouvez nous les commenter ? Il y en a 5. Qu'est-ce qu'elles disent là, ces images ? Et c'est elles qui, c'est pour tout ça, c'est pour ces images que vous faites ce travail. Ça. C'est que du coup cette image là, donc ce qu'il y a tout à gauche. C'est le même échantillon que ce qu'il y a juste au-dessus, hein, sauf que là, c'est la cartographie du carbone. Donc, en fait, il faut voir ça comme les images d'avant. On a du sédiment, du sable, un biofilm bactérien fossile et du sable encore en dessous. Mais là, à des échelles, 5-10 microns. Donc là, les images d'après sont un peu penchées, mais ce sont des cartographies de fluorescence X faites au synchrotron où on a cartographié la distribution du soufre, puis du calcium, enfin du magnésium. Donc on voit que là, notre tapis bactérien fossile, notre biofilm, s'il est au milieu, il contient du calcium, du magnésium, du potassium, du chlore. Ça nous permet de savoir qu'est-ce qui constitue le sédiment, qu'est-ce qui différencie la trace de vie qu'on cherche à étudier du sédiment qu'il y a autour. On parvient à trouver des marqueurs de vie des bactéries extrêmement anciennes. Voilà, c'est ça. Le problème avec ce type d'outil, c'est que ça, on ne peut pas embarquer ça sur un rover sur Mars. Vous ne voulez pas envoyer le synchrotron de Grenoble sur Mars. Sur Mars. C'est un peu le problème. C'est que les techniques analytiques élémentaires comme ça nous donnent plein d'informations, mais pour miniaturiser ça, pour que ça rentre dans un rover martien, ça va être un peu compliqué. Et surtout, ce qui est intéressant là-dessus, c'est ce qui est univoque, ce qui donne la réponse, en fait. C'est que du soufre, il y en a partout, du calcium, il y en a dans beaucoup de minéraux, du magnésium aussi, du potassium, etc. Mais le fait que dans une structure, ces choses-là soient concentrées, on ne connaît qu'un moyen de le faire, c'est de la vie. Ah oui. Donc, c'est plus vivant, c'est sûr, mais pour que toutes ces choses-là soient concentrées à cet endroit-là, à ces concentrations, ça prouve que ce que l'on a vu, c'est pas une petite bille qui s'est formée par hasard, c'est pas une concrétion calcaire qui s'est faite par dessiccation comme ça peut se faire par ailleurs, etc. Ça prouve que ce qui était là, c'était vivant, puisque maintenant ce qu'on en a, c'est que quelque chose qui est entouré avec du carbone, beaucoup de silicates, peut-être des carbonates en plus, etc. Donc des choses très complexes. Il n'y a plus rien qui nous rattache à la vie. Il n'y a pratiquement plus de matière organique. Hein. Il reste du carbone qui est très très fossilisé, très dégradé. Mais qui n'est pas vraiment traduit en chose. Et c'est cette concentration simultanée de tous ces éléments qui sont indispensables à la vie qui prouve que c'est de la vie, et que ça a été de la vie. S'il y a de la vie sur Mars aujourd'hui, C'est des tops. Ah oui, j'ai oublié de vous dire que je viens du midi. Et je prononce top et pas top. Et ce soir, c'est Damien Loiseau qui le dit. Il est top, le postdoc. Il affirme que si sur Mars il y a de la vie, il faut creuser. Et qu'est-ce qu'il creuse ? C'est des tops. Alors, top départ pour une nouvelle question. Non ? Ah. Autrement, moi. Ah, bah Damien, vous voulez continuer, je voulais continuer sur la lancée, voilà, d'Axel Hubert et Michel Vizeau. On va pas tout de suite emmener un synchrotron sur Mars. Du coup, c'est pour ça qu'on veut ramener des échantillons de Mars sur Terre. Et du coup, au rover, on lui demande au moins de faire le premier travail du géologue sur la page 1, donc de choisir les bons échantillons et de les ramener. Du coup, déjà, on choisit un bon site, là où on pense qu'il y aura des bonnes roches, du bon âge, qu'on vu de l'eau, des sédiments, peut-être des sédiments d'une ancienne plage, ou alors un site hydrothermal, donc où on avait de la chaleur, de l'eau qui circulait. Et puis le rover, ensuite, il va arriver, et puis il aura plusieurs outils, des yeux comme un géologue, donc pour pouvoir reconnaître... les désaffleurements, donc aller regarder où on a des roches intéressantes, reconnaître déjà quel type de sédiments on a. On aura aussi des caméras qui permettront de faire des... On a des caméras qui permettent de faire des zooms, qui permettent de voir vraiment à l'échelle du micron, donc voir les grains, essayer de reconnaître quel type de roches vraiment on a sur ces affleurements. On a aussi des instruments qui nous permettent de faire des analyses de la composition des roches. Donc on ne peut pas faire de la mince et avoir des analyses aussi précises que ce qu'on fait sur Terre, mais on a déjà pas mal d'informations sur la composition des roches. Et puis ensuite, récolter des échantillons. Et ça, il y a un premier pour le retour sur Terre, donc pas pour l'analyser sur place, mais vraiment pour le ramener. Et ça, il y a la mission de la NASA qui devrait partir, qui est prévue pour 2020, donc Mars 2020, comme on l'appelle, qui va donc faire ses premières analyses assez grossières pour essayer de choisir les bons échantillons pour les ramener sur Terre. Et ces échantillons, donc ça sera une trentaine peut-être d'échantillons de quelques grammes chacun. Donc préservé dans des tubes, donc ce sera des petits forages de quelques centimètres de profondeur qui seront donc préservés dans des tubes, scellés, et pour le moment laissés sur Mars, et on espère pouvoir aller les récupérer quelques années plus tard. On va faire du retour d'échantillons alors, Michel Vizeau. En tout cas, il y a la première étape qui est prévue, récupérer des échantillons, les laisser sur Mars. Bon. Ensuite, en espérant un jour que la NASA aille les chercher. Alors, c'est un problème qui est compliqué, parce que c'est compliqué parce que ça coûte cher. C'est un peu bizarre, cette histoire, quand même. Alors, bon, la NASA qui dit aux scientifiques, récupérez déjà les échantillons, une fois que vous les aurez récupérés, on se débrouillera pour aller les chercher. Ah, c'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé. Enfin bon, moi, ça fait le troisième retour d'échantillons que je vois arrêter. Déjà, j'en ai déjà vu. Hein. Je m'en souviens. J'ai contribué à ce genre de choses. Il y avait un projet CNES-NASA directement. Ah oui, le premier retour d'échantillons martiens. Ça ne s'est pas fait. Ça ne s'est pas fait parce que... Alors, pour une raison simple. La première, c'est qu'on avait une vision assez optimiste et il y avait beaucoup de choses que l'on ne savait pas faire. Ah oui. Et donc, on était technologiquement pas prêt. D'accord. Alors, on se sentait très fort et quand on est dans la science, on est toujours très proactif. Puis à un moment donné, il y a des gens qui s'assient à une table, qui font des calculs, qui disent comment tu fais ça? Tu vas bien trouver une solution. Oui, mais je n'ai pas la solution, donc on ne l'a pas trouvée. Et donc on ne peut pas maintenir des choses quand la technologie n'avance pas de façon simultanée avec les désirs que l'on a. Donc la première, c'est que... C'est la faute des ingénieurs, c'est ça que vous dites? Non, on ne savait pas le faire. On avait des exigences et on ne savait pas les remplir. La deuxième, c'est que même si on avait su les remplir, le coût était incontrôlable. C'est-à-dire que même si c'est cher, on peut dire que quelque chose va coûter 5 milliards d'euros ou 5 milliards de dollars, c'est pareil. On peut le dire, après on décide de le faire ou pas. Mais quand on dit ça va coûter cher entre 5, 8, 12, on peut pas prendre. Il faut à un moment donné, un administrateur ne peut pas prendre une décision sur des choses aussi fumeuses que ça. Et donc. Raisonnablement, même si ça nous a fait très mal quand ça s'est arrêté, il faut dire que logiquement, il n'y avait aucune raison que ça aille plus loin et que ça aurait été criminel d'aller plus loin. Donc, actuellement, la NASA mène le jeu du retour d'échantillons martiens, c'est clair. Et elle veut faire rentrer ce retour d'échantillons martiens dans sa nouvelle frontière, qui est vraiment d'envoyer, à terme, qui n'est pas défini, des hommes vers Mars. Pour faire ce retour d'échantillons martiens, il y a un certain nombre d'étapes à remplir. Il y a des choses que l'on sait faire, c'est les collecter et les sceller, les mettre dans un coin et ils attendent. Panier de la ménagère, j'ai abandonné à la consigne, je viens les chercher plus tard. Ce qu'on ne sait pas faire pour l'instant, c'est redécoller de Mars. Alors, excusez-moi, je reviens en arrière. Pour rapporter des échantillons martiens, il faut plusieurs missions. Il y a plusieurs actes à faire. Faisons une analyse fonctionnelle. D'abord, il faut collecter des échantillons. 2, les mettre dans des petites boîtes. 3, les stocker. 4, les récupérer. 5, les envoyer en orbite. Parce que, et comme on n'a pas des fusées assez puissantes, en orbite martienne, comme on n'a pas des fusées assez puissantes, il faut qu'en orbite, il y ait un gros satellite qui les récupère pour les rapatrier vers la Terre. Avec tout un tas de règles de protection planétaire, mais ça, on va les oublier pour l'instant. Et après, il faut que ça revienne sur Terre dans un endroit précis et sans que ça se casse. Donc, tout ça, toutes ces étapes, on calcule à peu près 3 missions pour le faire. Actuellement, ce qu'on ne sait pas faire, c'est faire atterrir quelque chose sur Mars qui puisse repartir de Mars. Parce que c'est plus difficile de repartir de Mars que de la Lune, par exemple. Ça, on ne sait pas le faire. Parce qu'elle est plus grosse, c'est donc l'attraction gravitationnelle. C'est plus gros, il y a une atmosphère, il faut partir avec 3 km ou 4 km par seconde en sommet de l'atmosphère pour pouvoir s'en libérer, etc. Donc tout ça, on ne sait pas le faire. Il faut pas mettre de puissance. Le rendez-vous en orbite... On ne sait pas le faire. On saurait le faire, on ne l'a jamais fait. Non, mais il y a des problèmes. On ne sait pas le faire parce que on ne sait pas le faire de façon certaine. C'est-à-dire qu'il y a un an de voyage, il faut arriver, il faut que ça reste sur place pendant un certain temps, il faut que la fusée elle résiste aux variations de température pendant au moins un an et demi, et ensuite il faut qu'elle puisse démarrer quand on appuie sur le bouton. Parce que si ça démarre pas, et puis il faut se poser à côté du petit panier d'aménagère et commencer à la consigne. Donc il faut faire aussi un atterrissage de précision, etc. Mais même le fait d'envoyer quelque chose et de le faire repartir après un temps relativement long. C'est-à-dire, la Lune, c'était immédiat. Je veux dire, il y avait des ergols, etc. Là, si c'est des ergols de gazeux, ça pose un problème. Les ergols, c'est le carburant, pour le carburant. Dire vite. Et si c'est des choses solides, il y a des boosters comme des boosters de fusée, etc. Il ne faut pas que ça se fissure. Il y a quand même un certain nombre de conditions. Et ça, pour l'instant, on ne sait pas le faire. Et donc, on apprend. Le rendez-vous en orbite, sans les GPS, les gens en dessous, les machins, les trucs, etc., de façon automatique, autour de Mars, c'est pas impossible, mais bon, c'est pas encore parfaitement maîtrisé. Donc, il y a quand même un certain nombre d'incertitudes. Bon, après, le reste, grosso modo, on sait là. Donc, il y a quand même deux gros points d'incertitude qui coûtent très cher à développer avec de la R&D. Et donc, on commence à travailler dessus. La NASA travaille dessus. L'Agence spatiale travaille sur quelques éléments. L'Agence spatiale européenne travaille sur des éléments. Les Chinois ont leurs propres projets, etc. Donc, c'est quelque chose qui mature. Et je dirais, ce serait pas étonnant que dans les 15 à 20 ans qui viennent, il y ait un retour d'échantillons martiens. Et après, ce qu'on ne sait pas faire, et on en discute, et actuellement, on est très impliqué là-dedans, c'est qu'est-ce qu'on fait des échantillons quand ils reviennent ? Parce qu'ils peuvent pas, on ne peut pas en faire n'importe quoi. Donc, on est en train de travailler. Il y a notamment un programme européen qui s'appelle Eurocare, ce qui a été monté par les scientifiques, qui est en train de s'inquiéter, de raisonner, de préparer qu'est-ce qu'il faut faire s'il y a des échantillons martiens qui reviennent. Et nous, on en veut en Europe, parce qu'on sera partenaire de cette histoire-là. Et qu'est-ce qu'on fera en Europe avec ces échantillons pendant la quarantaine et au-delà ? Donc là-dessus, on travaille. Il y a des réunions à Vienne, à Florence, etc. Il y a vraiment une bonne centaine de scientifiques qui réfléchissent en Europe, qui réfléchissent là-dessus. Et il y en a au moins 200 aux États-Unis. Encore une question. Désolé, je monopolise la parole. Donc d'envoyer des rovers pour explorer la surface de la planète rouge, ça a un intérêt, mais j'ai l'impression que d'envoyer des hommes, ce serait mieux pour faire une exploration qui soit plus poussée, plus intelligente. Et si on se met à rêver un peu, d'ici 10, bon, 15 ans ou 20 ans, selon l'optimisme, on va commencer à aller sur Mars, enfin envoyer des hommes sur Mars. Et donc je pense que parmi les profils qu'ils vont envoyer, il y aura certainement des docteurs justement en géologie ou ce genre de choses. Et donc la question, c'est pour notre panel qui est très très qualifié, si vous avez la possibilité d'aller sur Mars pour faire votre activité, est-ce que vous le feriez ? Oui, directement, oui. Même s'il y a peu de probabilité de revenir sur Terre, j'irai. Ah ouais, Mars One, ça, vous êtes partante. Ou quelque chose de plus sérieux. Mais en tout cas, je serai carrément partante, oui. Alors Michel Vizeau, vous auriez pu être astronaute, vous. Vous avez, à une autre époque, c'est comme ça que vous êtes entré au CNES. Est-ce que Axel Hubert serait une bonne... une bonne candidate. D'abord, c'est, moi, j'ai aucune qualification pour juger Axel Hubert. Intellectuellement, j'ai aucun doute. Intellectuellement, j'ai aucun doute. De ce côté-là, après, bon, être astronaute, c'est une autre question. Mais être astronaute, c'est être raisonnable. Et c'est pas être kamikaze. Et je crois qu'il faut prendre cette dimension. Surtout qu'on est, on a changé d'époque. Je dirais, quand on est passé de la phase de la compétition jusqu'à l'arrivée des Américains sur la Lune, hein, qui a duré, et qu'on est passé de cette compétition à la coopération. Maintenant, on a des astronautes qui sont en phase de coopération. On a une station spatiale internationale sur laquelle il y a 3, 4, 5 nationalités différentes. Elle va probablement un jour s'élargir avec les Chinois, ou bien on ira voler sur la station chinoise, etc. Il y a déjà eu des Indiens, etc. Donc, on est dans un système de coopératif. Et donc, on ne cherche pas des kamikazes. Envoyer l'homme sur Mars, et donc c'est obligatoirement pour une agence avec un ticket de retour, je dirais garanti, guaranteed, comme disent les Américains, on change d'ordre de grandeur. Je veux dire, autant on peut dire que une mission martienne internationale pour rapatrier les échantillons de façon automatique, ça va coûter autour de 10 milliards de dollars, quelque chose comme ça. Envoyer des hommes et les rapatrier, c'est au moins 10 fois plus. Au moins 10 fois plus. Et après, je ne sais pas dire de chiffres, je ne sais pas dire de valeurs. Et donc... C'est quand même... parce que, alors, on n'est pas capable de rapatrier 300 grammes de la surface... Parce que les quand on parle de rapatrier des échantillons martiens, là, on parle de 300 grammes de roche qui vont se trouver dans un espèce de volume qui va faire, allez, 15 kilos. Et puis, la fusée, le lanceur qui va partir de Mars, il va faire allez, 2 tonnes 5, 3 tonnes 5, peut-être 4 tonnes maximum. Quand même, ouais. Si on veut mettre des hommes, je veux dire, c'est plus du tout la même dimension. C'est pas simplement, c'est pas linéaire. Il y a vraiment un pas logarithmique, il y a un seuil à franchir qui est que moi je suis pas capable de quantifier. Mais si on commence à mettre des chiffres sur la table, on va, il faut pour envoyer quelque chose sur Terre, il faut 800 tonnes, hein, grosso modo, pour envoyer 10 tonnes en orbite basse. Bon, mettons que sur Mars, il faille moins, trois fois, il faut mettre 200 tonnes. Je veux dire, entre quelque chose qui fait 4 tonnes et quelque chose qui fait... Il faut envoyer 200 tonnes vers Mars pour pouvoir rapatrier des hommes. Pour décoller, oui. Il faut quand même décoller. Hein. Ouais. Je veux dire, c'est pas rien. Enfin, même si c'est que 100, j'en sais rien. Mais, je veux dire, c'est pas pour demain, c'est ça que ça veut dire? Pour moi, il y a des obstacles techniques et puis des obstacles financiers. Ouais. Je rappelle que ce dont nous parlons... On en parle de façon sympathique au café, parce que nous sommes dans un maintenant dans un monde multilatéral qui connaît des tensions, mais pas des tensions au niveau desquelles elles, qui n'étaient pas celles qu'elles étaient au moment d'aller sur la Lune. Quand Kennedy a dit « We will go to the moon », etc., c'est pas une course, mais c'est pas une compétition, mais c'est envoyer l'humanité sur place, etc. Je vous recommande vivement d'écouter le discours de Kennedy, qui était vraiment très touchant et très fluide à écouter. C'était quand même une période très dure où il y avait deux pays qui s'affrontaient. Il faut la montrer à l'autre qu'on l'avait plus grosse que lui, quand même. Hein, c'était l'époque des premières. Ça. C'est un peu ça, oui. On n'est plus dans cette situation-là, et donc on n'est pas capable actuellement. Un pays ou même plusieurs pays ne sont pas capables de mobiliser les ressources pour cette danseuse-là, qui a beaucoup d'intérêt scientifique, mais qui n'a pas l'intérêt politique qu'elle aurait pu avoir à cette époque-là. Jacques Arnoux, avant qu'on ne se quitte. Oui. Alors je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Michel quant à la changement de l'époque, au changement d'époque. Et il est, pour un certain nombre d'entre nous, c'est peut-être possible de se référer à ce qui s'est passé il y a 50 ans. Surtout de se dire qu'effectivement, les trois astronautes qui sont partis dans Apollo 11 couraient un risque quand même énorme. Hein. On disait une chance sur deux de revenir sur Terre les deux astronautes qui allaient sur la Lune. Et si Nixon est souriant, c'est qu'il n'a pas eu à dire le discours qui était déjà préparé en cas d'échec, ou justement au redécollage de la Lune, puisqu'il y avait bien deux discours qui étaient prévus, dont celui en disant « Désolé, on a raté notre coup, on n'a pas réussi à repartir, donc ils vont rester sur place ». En même temps, l'époque était aussi très risquée pour d'autres métiers qui étaient dans la même ambiance. Je me souviens de l'ancien conseiller de défense du CNES, général Lorenzi, qui expliquait que dans sa jeunesse de pilote, il y avait une hécatombe dans les pilotes de l'armée de l'air française qui était pas de 1 sur 2, mais était quand même beaucoup plus proche de ce chiffre-là qu'aujourd'hui, quand on parle des astronautes qui vont dans la station orbitale et des pilotes de l'armée de l'air. Donc on est dans effectivement des situations très différentes en termes de risque, d'acceptabilité du risque, pour des raisons politiques, pour aussi des raisons d'appartenance, parce que tous ces astronautes étaient des militaires ou des quasi-militaires. Donc relevez bien du même esprit qui existe encore aujourd'hui pour nos militaires, d'ailleurs, entre parenthèses. En même temps, il y a aussi des choses qui bougent, et c'est pour ça que l'évocation de Mars One était intéressante tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a des initiatives privées qui, sans avoir les moyens techniques, et ça, Michel, quoi, est suffisamment clair là-dessus, ils n'ont pas plus les capacités techniques que les agences qui travaillent dessus. En revanche, en termes de moyens, sans avoir pour autant nécessairement autant de milliards, ils ont en tout cas des prétentions financières assez importantes. Et ce qui est intéressant, alors après je suis incapable d'aller plus loin dans l'analyse technique et financière de ces entreprises privées, mais ce qui m'intéresse, c'est que dans une entreprise privée, vous avez un rapport au risque qui est peut-être différent de celui justement que nous avons dans une entreprise publique. Les astronautes dont tu parles, Michel, sont des astronautes d'agences spatiales nationales ou internationales, avec une certaine manière effectivement d'appréhender publiquement le risque. Il y a aujourd'hui des gens qui sont prêts à monter dans des engins suborbitaux, voire orbitaux, qui ont des risques d'accidents beaucoup plus élevés que celui quand on prend un avion aujourd'hui. Beaucoup, beaucoup plus élevés. Donc il y a toute une réflexion sans doute à venir et qui peut être intéressante pour nous avec l'apparition de ces acteurs, quelle que soit la capacité pour eux technique de réaliser, comme nous le disait Michel tout à l'heure, Mars One. Donc là, il y a quand même des réflexions à faire. Et je trouve que pour moi, une des raisons pour lesquelles je suis opposé, enfin, ou dubitatif par rapport à la faisabilité d'un projet comme Mars One, c'est pour des raisons scientifiques. N'allez pas mettre des candidats au suicide, quelle que soit leur motivation. Je n'ai pas à juger de leur motivation. Vous en connaissez certains d'entre eux. J'en ai rencontré. Bon, ils ne sont pas complètement fous pour autant, ni nécessairement suicidaires. Mais qu'est-ce qu'on va mettre cracher des engins sur Mars avec du biologique, de l'humain, alors qu'on a encore tant de travail à faire aujourd'hui, de découvertes de choses qui nous sont totalement inconnues. Alors c'est dommage effectivement qu'on ne puisse pas envoyer demain des scientifiques, des géologues, et, de manière tout à fait safe sur Mars pour pouvoir faire du travail de géologie à la manière humaine, mais on empêche qu'on a des robots de plus en plus perfectionnés qui permettent quand même d'aborder des choses que nous ne connaissons pas. Parce que tout ce dont nous avons parlé aujourd'hui, c'est quand même de découvrir des formes dont nous avons quelques idées possibles, mais c'est quand même de l'inconnu. Bah, tant qu'on peut mettre du robot pour pouvoir avancer pas à pas, en prenant des moyens prudents, safe, dans des zones qui ne nous sont pas inconnues pour qu'elles soient un peu plus connues, moi, je suis tout à fait pour des missions de type robotique, sans faire courir à des dangers irraisonnables à des êtres humains, tout en travaillant, comme a dit bien Michel, tout en travaillant dans une optique plus lointaine, en mettant des scientifiques et des humains qui feront de la science encore mieux que des robots. Mais en attendant, soyons raisonnables. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Je ne sais pas comment on mettrait ça en musique, mais il y a sans doute des choses à faire, cher ami. Damien Loiseau. Bah justement, moi, j'adorerais, si on me proposait, j'adorerais aller sur Mars. Ce serait un plaisir personnel. Et après, au point de vue purement scientifique et avancé de notre connaissance sur Mars, avec le même coût que d'envoyer des humains sur Mars et avec les mêmes techniques déployées, je ne suis pas sûr que des missions uniquement robotisées feraient moins bien qu'une mission humaine avec les mêmes moyens. Et du coup, faudrait justifier vraiment l'envoi d'hommes sur Mars. Et au point de vue purement scientifique et découverte de la planète de Mars, je suis pas sûr que ça justifie aujourd'hui. Après, c'est un plaisir de l'humanité, je pense. Mais il y a la dimension symbolique aussi. Hein. Envoyer un petit robot ou envoyer un homme, ça n'a pas la même force. Hein. Évidemment. Bon, on va bientôt se quitter, en tout cas dans quelques instants. Je voulais vous rappeler avant qu'on ne se quitte que vous pouvez retrouver les Mardis de l'espace en podcast. Donc chez vous, j'ai vérifié tout à l'heure, vous avez 3 ans d'émission de Mardi de l'espace que vous pouvez écouter. Donc il suffit dans votre petit logiciel de gestion de podcast de taper Mardi de l'espace, et je l'ai fait, et on tombe dessus, et voilà, vous avez trois ans de Mardi d'espace à écouter. Certains Mardis d'espace sont également visibles sur YouTube. On a Laurence Honora qui vient là, elle a sa place, elle nous filme. Et d'ailleurs, le dernier Mardi d'espace qui était la semaine dernière, qui s'appelait Lanceur vers l'infini et l'au-delà, il est visible directement sur YouTube. Pour le trouver, il faut taper à chaque fois le titre exact du Mardi d'espace que vous cherchez, et vous pouvez tomber dessus. Donc par exemple, le Mardi d'espace de la semaine dernière, Lanceur de points vers l'infini et au-delà. Je vous rappelle aussi que dans un mois, le mardi 14 juin, on va se retrouver ensemble et avec Jacques Arnoux, n'est-ce pas Jacques, pour un mardi d'espace qui s'intitule « Des mythes et des cieux ». Des mythes et des cieux. Donc on va parler mythologie, astronomie et s'intéresser à la manière dont l'humanité voyait les cieux, considérait les étoiles, l'éternité, et qui était comme une image de Dieu finalement, alors que nous, notre Terre, ben voilà, tout passait, c'était très corruptible et peut-être bassement humain. On voit bien que on est dans une époque où beaucoup de choses ont changé, avec notamment le changement climatique. L'humanité de plus en plus prend conscience de la richesse qu'elle a autour d'elle. On se soucie d'environnement. On se soucie beaucoup plus qu'avant des conséquences de l'action humaine sur la biosphère. Il est plus tant que jamais de parler de protection planétaire. C'est ce qu'on fait ce soir, c'est ce que font les scientifiques. Vous voyez qu'il y a des personnes qui sont à la manœuvre et qui se préoccupent de ces choses-là. Bon, pour autant, ce n'est pas une raison pour empêcher toute exploration, apparemment, et c'est tant mieux. En tout cas, c'est probablement une des conséquences qu'on peut tirer de cette soirée passée avec nos quatre intervenants, que je vous remercie d'accueillir, enfin, pas d'accueillir, mais surtout de remercier aussi à votre tour. C'est Damien Loiseau, c'est Jacques Arnoux, Michel Vizeau et Axel Hubert. Peut-être un tout petit dernier mot à Axel Hubert. Axel Hubert, donc, on a bien compris que vous, votre travail, c'était de voir s'il était possible de dater la différence entre les bactéries photosynthétiques oxygéniques et celles qui étaient anoxygéniques, hein, d'abord anoxygéniques, puis oxygéniques. Est-ce que vous avez déterminé des pistes ? On a quelques petites choses. Ouais. J'ai réussi à trouver quelques petites choses. Alors finalement, ce ne serait pas dans la bactérie elle-même, la composition chimique de la bactérie elle-même, mais plutôt dans les minéraux qui l'entourent dans le sédiment. Ouais. Comment la présence d'oxygène et les molécules internes à cette petite bactérie qui est toute neuve dans la production d'oxygène, comment ça a impacté sur les minéraux qui ont grandi en même temps qu'elle dans le sédiment. Donc oui, on a des choses avec notamment ce qu'on appelle les métaux de transition, qui sont des éléments qui varient de valence, d'état d'oxydation en fonction de l'état d'oxydation du milieu. Donc voilà, vous avez des pistes pour des marqueurs qui permettent de distinguer une bactérie photosynthétique anoxygénique d'une bactérie photosynthétique oxygénique. Voilà, avec c'est vous, ce qu'on appelle les cyanobactéries. Voilà, hein, les donc avec vous, on voit vraiment la science en marche là. Hein. Elle vient de faire une excellente thèse. Ah ben voilà. Elle est trop timide. Ben voilà. Elle vient de faire une excellente thèse. Ça s'est bien passé, cette soutenance. Voilà, donc bon. D'ailleurs, on a beaucoup au CNES, on a beaucoup de thésards, etc. Mais il y en a la plupart des sujets qu'on fait faire et qui sont faits d'ailleurs, font avancer les choses. Et la thèse d'Axel fait partie de celles qui font un pas en avant sur ce que l'on analysera éventuellement sur Mars, et ça donne des pistes qui disent si on n'a pas de preuves directes, on va aller chercher des preuves indirectes de l'existence d'un phénomène, etc. Ce que j'appelle la clé de 12. Voilà. Donc elle a fait une très bonne thèse, elle est trop timide. Ça s'applaudit, je crois. Au bar des sciences, chacun nourrit sa pensée, et chacun nourrit sa pensée.